The mighty Kylo Ren. When I found you, I saw what all masters live to see. Raw, untamed power. And beyond that, something truly special. The potential of your bloodline. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millénial, le podcast qui devrait enlever son masque ridicule. Je suis Grushkov et je serai votre pilote aujourd'hui, accompagné comme à chaque fois de mon équipage composé de Tuki. Salut. Matt. Salut. Je suis en train de boire. Et Ximnut. Coucou. 18 épisodes plus tard, nous allons enfin pouvoir nous attaquer à la nouvelle génération de Skywalker. Après Luke. Après Anakin, oui, on les a même pas fait dans l'ordre, on est des gros cons. Non, nous allons pouvoir nous attaquer à Ben Solo. Oui, c'est un Skywalker, hein, ne l'oubliez pas. Qui est aussi connu sous le nom de Ben Solo. Ben Solo, oui, voilà. Mais aussi connu sous le nom de Kylo Ren. Donc, on en a parlé un petit peu hein, pendant l'épisode sur The Force Awakens, le réveil de la Force. Principalement Matt qui arrêtait pas de parler. C'était assez chiant. 10 minutes. Toi qui es le plus impartial d'entre nous, quel est ton avis sur ce petit personnage? Oh là, mais impartial et puis petit personnage quand même. Hein, t'as vu le morceau? Mais ouais, non. Il a la taille d'un destroyer stellaire, mais petit. À mon avis, déjà j'aime bien. C'est un personnage que j'aime beaucoup et à mon avis, ça vient beaucoup de l'acteur qui l'incarne, qui a quand même fait un sacré boulot. Ça aurait pu être raté justement s'ils n'avaient pas vraiment trouvé la personne parfaite pour incarner voilà toute la complexité du personnage. Donc non, moi c'est vraiment un personnage qui m'a un peu étonné au début, voilà, un peu comme tout le monde quand il avait son masque la première fois. On en a parlé quand on a fait l'épisode sur le réveil de la Force, mais finalement voilà, je suis très vite passé outre cette première impression. Je me suis vraiment attaché au personnage, donc voilà, non, gros coup de cœur pour Kylo Ren. Voilà, tout pareil que t'as le mec qui se fait vraiment pas chier, quoi. Mais c'est pas vrai. Ça, il n'arrive pas à le dire. C'était vraiment ça. Au début, pareil, j'étais surpris, j'étais un peu étonné et tout. Et finalement, j'aime beaucoup, beaucoup le personnage. Mais c'est clair que si c'était pas non plus Adam Driver, ça aurait peut-être pas passé aussi bien, quoi. Donc, Surtout qu'au début, ils ont essayé de caster celui qui joue Newt Scamander, par exemple. Non, c'est pas du tout ça. Non? Ah bon? Non, c'est. Il avait passé le casting au cas où Adam Driver était pas chaud. Mais il a juste passé le casting, hein. Ils ont pas dit, il était pas sur la short list. Si on s'était retrouvé avec lui, ça aurait pas fait pareil, je pense. Mais il était pas tout seul. C'est juste que c'est le seul qui a cafeté, Mais tous les autres, ça aurait pas fait pareil. Même tous les autres, ça aurait pas fait pareil. Adam Driver, c'est un acteur qui a quand même, une gueule, je trouve. Il est à la fois BG. Et à la fois, en même temps, pas dans le canon classique, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment, il sort vraiment du lot. Je trouve, quand même. Ah non, c'est vrai. Et on aurait eu un acteur, on aurait eu le mec qui joue Newt, je sais plus comment, ou un autre. Le mec bien plus classique, ça aurait pas eu le même impact, parce que là, on a vraiment quelque chose qui marque, quoi, en fait, à l'écran. Genre, si on le compare avec dans les autres films, avec Hayden Christensen, qui était aussi un petit nouveau, c'était pas du tout le même style de personnage, et finalement, c'est pas plus mal. Oui, parce qu'Aiden Christensen, de base, il a une petite bouille d'ange, alors qu'Adam Driver... Il a une tronche de démon. Non. il peut tellement changer ses expressions que... Enfin, tu sais, l'autre, il a une bouille d'enfant, donc... Non, et puis il a aussi ce côté, comme disait Matt, il a ce côté quand même belle gueule et tout, qui colle bien avec finalement. J'ai du mal à dire si c'est juste que je me suis habitué au personnage et maintenant je peux le voir que comme ça, mais j'ai l'impression que ça colle mieux au personnage, au côté élu, méga star de la galaxie, par rapport à Kylo Ren qui justement est plus pas du tout dans cet archétype-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans Driver, il a, comme je disais, il a une gueule, mais du coup, il a un petit peu, enfin, il est pas marqué, mais il peut jouer des rôles avec un passif. Et ça colle pour Kylo qui a traversé certaines épreuves. Ouais. Alors qu'on a eu un mec qui sortait de Dawson, par exemple, ça l'aurait pas fait pareil, quoi. On a eu vraiment un miné total, ça aurait pas fonctionné. Alors que là, on a quand même quelqu'un, qui est pas mal, qui est beau gosse, mais en même temps, qui est torturé, qui a un passif un peu lourd et tout, et ça se retranscrit bien à l'écran, quoi. Et il le joue pareil, tout en subtilité, tout en nuance, et ça joue énormément dans le personnage, quoi. C'est clair que, mais j'ai vraiment commencé à l'apprécier, moi, avec The Last Jedi. Plus qu'avec le premier. Même si dans le premier, j'avais vraiment compris ce qu'ils étaient en train de faire. Pas forcément au début, parce que ça m'avait surpris aussi, hein, la révélation, tout ça. Et après, je me suis dit, ah ouais, mais non, ça a du sens, ce qu'ils sont en train de faire, c'est cool. Mais avec l'épisode 8, ça a vraiment été la confirmation que le personnage est extra. Un de mes personnages préférés, clairement, de la post-logie, hein, si c'est pas le personnage préféré. Bah ouais, on en parle là, justement, parce que c'est, y a plein de gens qui vont le nier, mais c'est, un des deux personnages principaux. Bah, c'est un des héros, j'ai envie de dire, même. Hein. Bah ouais, en fait, c'est ça qui est très intéressant, on en parlera peut-être plus tard, mais, il est pas codé autant, enfin plus dans Force Awakens évidemment, il est codé vraiment comme un vilain, un méchant. Mais en fait, plus tu avances, plus tu te rends compte que c'est plus un anti-héros en fait que un méchant à proprement parler. C'est rigolo parce que t'as tendance à avoir les gens qui disent ouais, nous on veut des anti-héros, c'est trop bien, c'est trop dark. Mais quand on a un qui en est littéralement un, c'est-à-dire que comme on verra, hein, les moments où il brille le plus, c'est quand il agit comme un héros, oui. Tout en étant torturé, machin truc et tout, et un méchant, c'est un bad guy. Et ben, ça, c'est bizarre, ça prend pas parce qu'il pleure. si tu veux. Oui. Oh, pardon. Non, vas-y. Tuki, bon. Vas-y. Non, Tuki, vas-y. Ouais. D'abord. Moi, c'est mon personnage préféré. Gros BG. Déjà, c'est l'archétype de mon type d'homme, c'est-à-dire le gars émo avec des cheveux noirs un peu longs, voilà. Donc, de base, c'était foutu. Je trouve qu'Adam Driver est probablement le meilleur acteur actuel. Il a tellement d'expressions différentes sur son visage, il arrive tellement à faire passer plein d'émotions, même sans parler. Je trouve même qu'il sans est... sourire. Ouais, il est... Quand tu dis meilleur acteur, tu parles de Star Wars ou en général de sa génération même. Si tu regardes tous les films dans lesquels il est, c'est toujours un perso très différent à chaque fois et ça marche tout le temps. Il y a des acteurs, quand tu les vois dans différents films, tu reconnais l'acteur, tu fais ouais, ok, c'est. Où ils font tout le temps les mêmes trucs, tu vois. Ah oui, Christian Clavier, ça va. Je ne regarde pas des trucs français, moi, monsieur. J'allais dire, c'était comme les 20 dernières années de Johnny Depp. Ouais, oui. Même personnage. Tu l'embauchais pas pour faire un personnage, tu l'embauchais pour avoir Johnny Depp dans le film. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pour avoir Jack Sparrow, même. C'est ça, oui. C'est exactement ça. Excuse-nous pour la digression. Pas de soucis. Surtout pour parler de lui, merci. On le déteste tous, en plus. Et non, je le trouve super touchant en Kylo Ren. Je trouve le personnage super touchant. Je m'identifie beaucoup à lui. Moi, la première fois que j'ai vu Kylo Ren au début avec son masque et tout, j'étais « Oh, il est trop cool, c'est trop dark !» Et puis après, tu vois son masque et puis tu sais, t'es un peu puzzled. Et puis après, tu vois ses réactions de bébé. Tu sais, quand il fait... Je le trouve trop mignon quand il va voir Snoke et fait « Mais elle est plus forte que ce qu'elle croit, tu sais, avec ses petites moues, ses petites moues boudeuses et tout. »« Je me suis fait bosser, c'est pas vrai. » Les Lucasfilles, elles appellent ça les yeux de porc. Non, et puis sur Starkiller, il fait froid quand même. J'avais un peu les... Et je trouve le personnage super intéressant parce que bah ça raconte plein de choses et ça surtout ça sort un peu des trucs manichéens du gros méchant super implacable et puis du super gentil et tu sais t'as ce personnage qui est censé être l'enfant des deux héros de la résistance et puis qui en fait est pas devenu ce qu'il devait être et enfin tu sens qu'il va pas bien et que il se force à porter un masque. Ouais. Et je sais pas si on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais ça dit beaucoup sur la masculinité aussi. La masculinité, pardon. C'est vachement actuel comme sujet, même, d'ailleurs. Et ouais, je trouve qu'on a rarement des personnages aussi bien développés et nuancés que les personnages de la post-Law. Lui inclus. Non, ça, je suis complètement d'accord. Ah bah, c'est clairement un des personnages les plus nuancés de toute la saga. Hein. Si c'est pas le plus... Bah... Il passe d'un extrême à l'autre, si on peut dire, je pense qu'on en est pas encore là, mais peut-être dans le 9, mais voilà, il flirte vraiment avec les deux bords au niveau de la force, bien plus qu'Anakin qui lui passe d'un extrême à l'autre. Ah ouais. Donc il est vraiment sur le fil, quoi. Et en plus, tu sens que ça le fait souffrir, etc. Enfin, tu sens le combat. Il y a vraiment un conflit, hein, ouais, il y a un conflit interne, clairement. Moi, je tiens à dire que c'est un peu du bullshit, parce que moi, comme je l'ai déjà dit pour l'épisode 7, moi, j'étais le seul qui disait pas qu'il était dégueulasse quand il avait sorti son quand il avait enlevé son masque dans l'épisode 7 la première fois. Hein. Ah non, moi j'ai dit hein, que j'étais honnête au début, j'ai je me suis dit bof. Moi, hein. J'ai pas rigolé hein, j'étais oh, tiens, c'est oh, oh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, moi j'ai déjà expliqué, je trouvais que la façon dont il lui avait mis son col, ça faisait un visage beaucoup trop long au niveau du menton comme s'il avait pas de mâchoire et sur le coup, ouais, je cinéma, ah ben, ça surprend, hein, le plan surprend clairement, ouais. Hein, dans tous les cas. Alors en vrai, quand tu re-regardes Force Awakens, tu le vois enlever son masque et t'es... Ouais, en fait, il est vachement bégé tout le temps. je suis en train de chercher où est-ce qu'on peut classer la masculinité toxique et tout ça dans le... Alors ça, dans je préférerais qu'on en parle dans l'épisode 8 parce que j'aimerais bien le mettre un petit peu en... D'accord. En comparaison aussi avec Poe. Oui. Ah oui. Peut-être moi, je trouve que c'était intéressant de dire qu'on avait enfin un héros auquel les jeunes enfants ou jeunes garçons qui regardent Star Wars pouvaient s'identifier et qu'ils avaient le droit d'avoir des émotions et de pleurer, ce genre de choses. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Et on a un héros qui respecte les femmes, en plus. En plus. Ouais. Mais non, mais là, je l'ai dit à l'arrache, c'est pas dans le cadre du truc. Enfin, on verra. Écoute, j'arriverai bien à faire le forceur et à le caser à un moment donné. Ouais, mais je pense que c'est intéressant que t'en parles. Bon. Alors, je vais peut-être aller un peu plus vite hein, donc voilà, moi en plus voilà, les comme tout le monde hein, j'attendais le film et puis j'étais vachement intrigué par lui, je m'étais dit il y avait plein de théories, je sais pas si vous vous souvenez, les gens ils pensaient que Kylo Ren c'était Luke. Ouais, je me souviens de celle-là. Avant la sortie de l'épisode 7, ils disaient bah Luke est pas sur l'affiche. Donc c'est forcément le gars masqué. Ah bah oui. Mmh. Ah, et puis après, c'est les mêmes qui sont allés dire que Luke avait été ruiné par la suite. Genre, attendez les gars. Alors, je pensais pas que ça aurait été plus en passant rapidement, mais quand j'ai vu les premiers visuels, même son sabre et tout, je me suis un peu foutu de sa gueule quand même en pensant que c'était vraiment un Dark Vador Leader Price au début. Hein. Fort heureusement, le film on était pas là. Moi, et puis cool. Moi je disais, enfin, ça faisait vraiment le coup du on a eu Dark Revan, on a eu Dark Vador, il fallait forcément un méchant masqué avec un sabre rouge un petit peu différent des mais autres. Mais c'est logique quelque part. À l'époque, on avait que des bandes annonces. C'était la conclusion qui s'imposait. On n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent pour essayer de monter des théories. Donc c'est normal. Moi aussi, je me suis posé la question. Mais clairement, au début, j'étais là, ça fait un peu revu, quoi. Enfin, sur le coup, j'étais vraiment pas hypé, en tout cas, par son design ou par le personnage tel qu'il était montré dans les trailers. Ça s'améliore ensuite, mais au début, c'était vraiment pas vendeur. Enfin, près de moi. Je l'ai trouvé sexy. Avec le masque? Ouais, moi, j'aime bien. Je me souviens même plus si on voyait sa tête dans les trailers de l'époque, je les ai pas revus. Non. Dans le dernier trailer, on voyait que lors de son duel avec Finn, il avait plus son masque donc direct. Moi, je me suis dit, ok, d'accord. Donc, il y a beaucoup plus de trucs à raconter. En fait. Ouais, je me souviens juste d'une photo qui avait fuité. Ça devait être un plan sur Starkiller, c'était sur fond de neige. Et il était grave BG déjà. Ou un truc comme ça. C'est possible. Mais il était BG déjà, sur la photo. Ouais, ouais, c'était la seule fois où on l'avait vu sans son masque démasqué, de ouais, face. Ouais. Un truc, voilà. Donc c'était 2014, on voit avec son sabre laser dans la forêt, hein, donc voilà, tout le monde se fout de la gueule de son sabre laser. C'est alors que c'était même. Trop cool. Ah oui, mais les mêmes avec le couteau suisse, enfin voilà, c'est rigolo, quoi. J'étais le seul trou de balle qui était là, genre, mais non, mais arrêtez de vous moquer. Non, moi, j'étais pareil. Moi, je comprenais pas trop l'idée, hein, pour être franc. Pareil, j'aimais pas trop. Vachement mystérieux. En plus, les gars, ils disent que c'est censé être un vieux design de truc. Alors, ça va être un geek du côté obscur, un truc comme ça. Et puis, plus ça allait, plus il y avait des pièces du puzzle qui arrivaient. C'est-à-dire que après, il y a rien d'officiel qui est sorti, mais en allant dans le cinéma, j'étais sûr à 90% que c'était le fils de Anne et Leia. Toi, décidément, tu connais tous les films à l'avance. Hein. Non, mais arrête. À la limite, ça sert à quoi d'acheter tes billets? Je pensais que Rey, ce serait la fille de Luke. Alors, tu vois, là, tu sais ce que tu vas faire, Rush? Tu vas nous enregistrer ta version de l'épisode 9. Mais je veux que tu t'enregistres en train de nous raconter l'épisode 9 avant qu'il sorte. Tu mets ça au chaud et tu nous le ressors après le film. Du coup, j'ai toujours pas pu y aller. Du coup, on n'avance pas, non, on est toujours sur le tour de table. En 2015, c'est aussi l'année où on s'est marié. Oui. C'est mignon. Et du coup, c'est aussi l'année où ma famille m'a abandonné. Oui. C'est-à-dire que voilà, en février 2015, la date approchait. Maman, si tu nous écoutes. Donc voilà, en février, donc on allait se marier, et puis une fois, ils m'ont appelé, et puis nous, on était dans les galères de préparatifs du mariage. Alors du coup, voilà, les choses étant ce qu'elles sont, ils ont trouvé que je leur accordais pas assez d'importance quand ils m'appelaient au téléphone, et que mon fils était en train de faire n'importe quoi à côté, et que du coup, je pouvais pas les écouter. Donc voilà, c'était ça. Ils ont dit, eh ben, puisqu'on n'est pas assez important pour toi, hein, eh ben, on va pas venir à ton mariage. Donc voilà. Et puis depuis, du coup, bah, je les ai jamais revus. Et donc voilà, en février, donc tout début d'année, hein, c'est là où ma famille m'abandonne. Et en plus, je suis un papa qui sait pas trop gérer. Et on arrive en décembre, on découvre pour de vrai le film. Et ben, du coup, moi, j'ai accroché directement parce que je savais de se sentir abandonné par sa famille. Comme j'ai dit dans les épisodes précédents, je m'identifie beaucoup à Anne et au fait qu'il arrive pas à être un papa à la hauteur ou qu'il l'aime et qu'il s'en rend pas compte. Et du coup, il gâche tout. Mais voilà, moi, je vois l'autre et qui tue son père, et puis je me dis, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Symboliquement, c'est ce que j'ai fait, et du coup, ouais, voilà, ça a accroché tout de suite, et puis depuis, ça continue. Oui, mais dans tout ça, tu nous dis pas si le fait qu'il soit BG, ça joue ou pas pour toi. Non, pas vraiment. Non, alors, ils ont les mêmes cheveux et la même couleur d'yeux, voilà. Si ça peut mais oui, tout le monde te le dit. Alors, on a aussi la même pilosité, la moustache qui est nulle à chier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se fait jamais de barbe en entier. Hein, bah, c'est parce que bah voilà, oui. Très bien à quoi ça ressemblerait, c'est dégueulasse. Je tiens à préciser que Grouchkov a une grosse moustache et une grosse barbe là actuellement, du coup, c'est très drôle. Oui, c'est la dépression. Okay, très bien la moustache. Mais voilà. Donc, maintenant qu'on a fait le tour un petit peu du truc, on va pouvoir commencer à parler vraiment du personnage. Ah, oui. Ouais. Du coup, attention, hein, on va spoiler des livres et des trucs comme ça, donc on dira le titre et puis si vous avez envie de le lire, n'écoutez pas. On fera pas nous écouter. Voilà. Voilà. Fini. Bien fait pour vous. Du coup, voilà. Ce qui est intéressant, justement, avec ce personnage-là, c'est que contrairement à Luke et à Anakin, il est né dans une famille de gens qui étaient des héros. Ah ben, il est pas né dans le ghetto, lui, hein, c'est clair. C'est ça, c'est un fils de princesse, déjà. Donc, c'est un prince, hein. Les gens, ils disent, mais c'est pas du tout un prince. Et si, canoniquement, c'est un prince, parce que ils ont gardé le statut de principauté d'Alderaan, même si la planète a explosé. Donc, oui, ça reste... C'est un détail. Vous pouvez lire rien du sens, si ça vous intéresse un petit peu. Ouais, voilà. Déjà, le premier livre. Le diagrès, lien du sang. Voilà. Bon, voilà, le gars, c'est un prince, hein, c'est fille de sénatrice, fils de sénatrice. Il est aussi de Anne, qui est, comment dire? Un ancien général, un ancien général, bah, un vaurien, mais, enfin, avant sa fin. Et aussi un général de l'Alliance, quoi. Ouais, mais voilà, il est aussi connu parce qu'il est, c'est un héros, quoi. C'est un héros de la rébellion, quoi. Au-delà du fait d'être un trou du cul notoire. D'ailleurs, en parlant de trou du cul, il y a aussi Luke en oncle, donc le Jedi qui a sauvé la galaxie. Et puis, il a Lando qui est toujours, qui est jamais très loin aussi, qui fréquente la famille. Ouais, Lando, ouais, donc qui est aussi en général. Lando, c'est bien, mais il aurait pu lui apprendre à pécho quand même. C'est pour l'instant, il est ridicule. Ouais, ouais, j'avoue. Ah ouais, là, non, gros fail. Il lui a appris à mettre des capes, mais ça suffisait pas de tout. C'était la leçon numéro 1, mais il est jamais allé après. Ouais. Déjà, il lui a pas appris les couleurs, le mec, il s'habille tout en noir, allez, c'est fini. Du coup, voilà, donc, il se retrouve là-dedans. En plus, voilà, ses parents, même si Leia, elle a un don pour la force, c'est pas forcément son fort. Bah, du coup, c'est un petit garçon très très puissant dans la force qui se retrouve avec deux parents qui savent pas gérer ça. Et pire que ça, ça c'est pas des mauvais parents, parce que je pense qu'ils l'aiment le gamin, mais c'est juste qu'ils sont pas... Enfin, il y en a un qui a pas les outils pour, déjà. Anne, il est pas au point, hein, clairement de ce côté-là. Et Leia, bah, elle est encore sénatrice, elle est encore, enfin, le nez jusqu'au cou dans les affaires. Enfin, elle a pas le time pour ça, en fait. Hein, et en plus, ouais, enfin, du coup, le gamin, il est pas, sans être abandonné, forcément, il est pas aidé, quoi. Bah, sans être abandonné, justement, quand on lit Last Shot, Baroud d'honneur, justement. Mm-hmm. Donc, spoilers. On voit beaucoup que Anne, on sent hein, que Anne, il adore son bébé, tout ça, il y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais il a aucune idée de comment s'en occuper. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bah, ben, il se casse faire ses petites aventures. C'est ça. Parce que bah ça, il sait faire. Hein, ça me rappelle un truc dans l'épisode 7. Tiens, la galaxie à sauver, ça m'arrange. C'est un peu mieux que. Bah, d'ailleurs, oui, dans l'épisode 7, si il baroude encore, si il se trimballe encore avec avec Chewbacca, c'est aussi pour échapper à son rôle de père foireux et enfin à son échec aussi, même personnel, quoi. Je me demande comment sa relation avec Leia et son statut de père qu'il a foiré, quoi. Excuse-moi, tu disais. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est intéressant que à la fin de Lien du sang, Anne y revient quand même sauver Leia parce que bah il a pas réussi à sauver son fils, mais au moins il est venu sauver sa femme. Donc voilà, il y a Anne, il est pas du tout à la hauteur du truc. Et il fait rien pour l'être, en fait. Je parle peut-être un peu vite, mais est-ce qu'il a pas sauvé son fils? On verra plus tard. Je pense que c'est aussi parce qu'il devait se sentir super nul comparé à la famille à laquelle il venait de se marier. Je veux dire, Bah, en même temps, de la famille, il restait plus grand monde. Donc c'est pas comme s'il allait tomber sur le beau-père au repas de famille. Non, quoi. Non, mais regarde, par exemple, il croyait pas du tout à la force, ce genre de truc. Il se rend compte que son beau-frère, c'est le dernier des mecs super badass qui savent manipuler tout. Et sa meuf, elle pourrait être pareille si elle était pas autant prise dans la politique. Et son fils, il est dans la même lignée. Du coup, lui, il se dit « Ouais, moi, je suis juste un voleur super. » Je suis une sous-merde. Bah, c'est ça, le mec, il doit se sentir tellement inférieur que du coup, il se dit « Ouais, je serai jamais à la hauteur. » Parce que moi, je comprends même pas comment ils font pour manipuler la force. Donc... Bon, enfin, on lui demande juste d'être père, hein, pas de sauver la galaxie. Quoi. Enfin... Oui, mais bon... ouais, mais voilà. Bah, mine de rien, c'est quand même une sacrée charge. Oui, non, c'est sûr que je préférerais sauver la galaxie aussi, hein, pour être franc. Quand il s'énerve et tout, et qu'il est malheureux, il y a des objets qui pètent dans ta maison sans qu'il les touche. C'est un exorciste pour ça. C'est pas le même film. C'est juste que. Et puis aussi, Solo, on l'a vu dans le film, il a pas eu d'exemple, on lui a jamais montré comment ça marche. Ouais, le mec, il sait juste fuir et baragatiner et voler des trucs, tu vois. Donc, tu lui demandes de s'installer quelque part et d'assurer une vie de foyer. Le gars, il est pas du tout dans son élément. Bah, parce que je sais pas si c'est plus, si c'est plus expliqué dans les bouquins ou les comics, mais visiblement, soit il l'a pas connu, soit il avait pas une bonne relation avec son père, d'après ce qu'on sait dans le film Solo. Bah, on sait que son père, il construisait des cargos coréliens. Mmh. Ouais. Ça voilà. Après tout. C'est léger comme relation père-fils. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que justement, Leia et Han, en fait, tu te rends compte dans les livres qui traitent d'eux, que en fait, tous les deux, ils voudraient aller se mettre ailleurs, genre se mettre dans une ferme là, ou aller vivre dans le faucon. Sur Naboo. Dans leur caravane. Tu sais, mais tu sais, loin des trucs et tout, sauf que bah il y a Leia. La famille royale gitane là dérange. sans domicile, tu sais, vu que la planète elle existe plus. Les mecs, ils vont de planète en planète. Et ils ont proposé à Leia de récupérer un titre sur une autre planète et elle a refusé. Enfin, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais avoir des bonnes intentions, vouloir bien faire et tout foirer à la fin, c'est un peu une spécialité chez les Skywalker. Donc finalement, c'est vrai aussi. Ouais, c'est ça. Et justement, en parlant de ça, justement, il y a Leia qui, en fait, depuis qu'elle était enceinte hein, du petit Ben, elle a la force. Hein, elle est. Enfin, ça fait longtemps qu'elle l'a, mais elle s'ouvre à la force, quoi, en tout cas. Voilà, c'est une Skywalker. Hein, et du coup, elle sent son bébé en elle. Elle sent la lumière et tout, qui irradie, tout ça, mais toujours avec une espèce de veines d'obscurité dedans. Je crois qu'elle fait ses échographies elle-même, du coup, ou comment ça marche? Moi, je pense, hein. Je pense que ça doit être la seule personne dans la galaxie à avoir bénéficié d'échographies, vu comment ils sont au niveau... Ouba. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je pense que c'était... ils ont fait l'amour chez les Ewoks, et puis, pouf, elle est tombée enceinte, et ah, merde, ça allait pas avec les projets professionnels. Ouais. Enfin, je suis sûr que les obstétriciens... Les Ewoks sont meilleurs que les droïdes. Hein. D'ailleurs, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que Han, il était tellement effrayé par le fait d'être père qu'il était en train de libérer Kashyyyk plutôt que de rester assister à la naissance de son fils. Hein. C'est le cliché du père qui va se bouffer le sandwich, tu sais, pendant l'accouchement. Ouais, j'ai faim, je reviens dans 5 minutes. Ouh, ça sent les bails pas réglés, ça. Non, pas du tout, j'étais là à chaque fois. Ouais, non, oui. C'est pas de soucis. Ah, j'essaie de foutre la merde, désolé. moi, j'ai pété des portes pour pouvoir rentrer dans la maison. Et donc, on en revient à Leia. Oui, clairement, Leia Han se l'édouane complètement hein, dans le canon de sa paternité. En tout cas, au début, hein, c'est clairement le mec qui est pas prêt pour ça, qui est pas au point, quoi. Quand ça arrive, tout le monde le fait chier. Avec ça. Alors que Leia, en plus, elle était pas prête non plus, mais elle a pas le choix, elle a le bébé dans le bide, donc... Moi, j'adore le début de Baroud Donner, parce que, genre, il est là, et lui, tout ce qu'il veut, c'est pioncer avec son fils, et puis tout le monde qui lui casse les pieds tout du long, et c'est insupportable, et à la fin, il oublie son café, et il peut même pas prendre son café, et le petit, il finit en pleurs. Ouais, c'est ça, être daron. Et voilà, il y a Leia qui arrive, qui prend le petit dans ses bras, et puis hop, il se calme. Et du coup, forcément, c'est bah, chiant. Tu le prends bien, toujours, hein, ça fait toujours plaisir, quoi. C'est... Là, le perso, je vous laisse en parler, hein, c'est pas mon domaine de compétence. Ah ouais, c'est vraiment... c'était le bébé à sa maman, hein, le petit bonhomme, là, mais... Mais même elle était pas assez souvent là, quoi. Du coup, clairement. Elle était en train de ramener la paix à la galaxie. autre chose à faire. Donc, il me semble, pardon. mes souvenirs sont plus très frais, mais elle est enceinte à quel moment encore, vers quel bouquin, à peu près? Riposte, il est né, le petit? De quoi? Riposte, il est déjà né? Non, il naît dans le deuxième tome de Riposte dans Dead. Ah oui, justement, oui, quand il s'en cachit que le daron, donc du coup, ouais, ok. Ils avaient même fait une campagne pour le bouquin à base de, ouais, venez assister à la naissance du bébé royal, machin truc et tout, c'était trop drôle. Donc, et Leia, il y a un truc qu'elle a pas dit à Han. En fait, il y a beaucoup de trucs que Leia a cachés aux autres qui font que, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, le fait de vouloir protéger tout le monde, et en fait, c'est là que tu fais des catastrophes. Leia, elle a pas dit, par exemple, que depuis que le petit, il était dans son ventre, elle sentait une présence autour d'elle qui, comme si quelqu'un voulait lui voler son bébé. Et on se doute, peut-être qu'on aura tort et que ce sera quelqu'un d'autre dont on va taire le nom, mais on se doute que c'est sûrement Snoke qui prédatait, je sais pas si ça... Je crois que c'est des copines jalouses, moi, je vais dire. Vas-y, tu me fais chier. Snoke qui voulait le petit, quoi. Déjà à l'époque, ouais, même avant sa naissance. Ouais, ouais, c'est ça qui est rigolo, on en reparlera après. Et elle aussi cache à Ben ses vraies origines, c'est-à-dire que jusqu'à ses 23 ans, on suppose, il ne savait pas que son grand-père, c'était Dark Vador. Ça là, ouais, non. On a trouvé le temps de lui dire... Lien du sang, hein, ça. Ouais. En même temps, c'est chaud quand t'as des grands-parents tout pourris comme ça, t'as pas trop envie de dire à tes enfants « Ouais, alors il faut que je te dise un truc. » Ton grand-père, c'est Adolf Hitler, tout. Youpi. Ouais, mais moi, quelque part, ça m'a fait penser un peu à... C'est pas exactement le même cas de figure, mais dans le genre vraiment choc des origines, moi, ça m'a fait un peu penser aux questions que les gens se posent quand ils adoptent les gamins. À quelle époque il faut leur dire? Parce que ça, c'est, est-ce que tu t'en parles pas devant toute la vie, mais il y a un risque que quelqu'un lui dise d'une manière pas très très amicale, ou c'est un secret de famille, en fait, simplement, hein, on peut dire ça comme ça. Mais voilà, quoi, c'est finalement jamais le bon moment d'en parler, en fait, c'est le problème. C'est pour ça qu'il faut le dire tout de suite quand il est bébé qui comprend pas, et comme ça c'est déjà intégré, tu vois. Comme ça tu peux lui dire, mais si, je te l'avais dit, t'as pas écouté. T'as pas dit que j'étais adoptée, bah. Ah, tu m'écoutes jamais. Voilà, et tu le blâmes sur lui après. Voilà, parfait. C'est bon, t'es prêt pour être père. Culpabiliser vos enfants. Si tu disais t'es pas prêt, mais c'est bon, ça y est, hein, t'es au point, moi, je crois. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Mais du coup, entre ça et le fait justement du coup que lui il a ses petits, c'est un enfant qui est assez colérique, en fait, hein, on peut voir dans Baroud d'honneur, il a beaucoup de mal à dormir, il pleure très fort. C'est un enfant qui a besoin de tout le temps être rassuré, en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de lui dans son dos quand il croit qu'il dort. Ils font « Ouais, putain, c'est la merde, qu'est-ce qu'on fait? Ce gamin, c'est insupportable. » On devrait le filer à ses tons, à ses oncles et tantes sur Tatooine, ce serait plus simple. C'est ça. Tu prends les livres sur comment Han et Leia se sont occupés de Ben, et c'est le guide de comment ne pas être un bon parent. Mais c'est ça qui me tue. Et quand sur Internet, hein, c'est parce que c'est toujours drôle Internet. Hein, dès que tu commences à remettre en question Han et Leia, il y a des gens qui vont te tomber dessus et t'insulter. Déjà, c'est des personnages fictifs, donc tu vas arrêter de me casser les couilles. Et en plus, ils sont pas parfaits. Hein. Ben, c'est pas parce que c'est des héros que ils arrivent tout. Je veux dire, Han, c'est un frotteur. Hein. Faut appeler un chat un chat. C'est des parents complètement foirés. Ils étaient pas faits pour ça. Et c'est pas grave, hein. Ils savaient faire d'autres choses. Ils savaient pas faire. Mais c'est ni le temps ni le moment, en fait, pour eux. C'est pour ça que la postlogie est super importante, parce que justement, ça casse les trucs manichéens de t'as le gros méchant, le grand gentil. Et les gens, ils pensent encore trop de façons comme ça, tu sais. Ils pensent que si t'es quelqu'un de bien, tu seras forcément un bon parent, ou ce genre de truc, et ça marche pas comme ça. Et mieux que ça, même, ça introduit tout ce que notre génération nous a connu, des parents qui sont séparés, ou qui s'entendent pas forcément, ou qui ont une éducation de merde, et qu'on ou des monstres. Big up à la maman de Grouchov. Non, de mon côté, c'est pire. C'est vrai qu'il y a la concurrence. Pardon. Non, on est pas là pour parler de ça. Mais, voilà, enfin, je pense que maintenant on remet plus facilement en question l'éducation de façon générale, hein, que ce soit les fessées, les trucs comme ça, ou les choses plus classiques, même plus, on va dire, innocentes, qui ont l'air moins graves, on va dire. Et tout ça, c'est des choses que notre génération, nous, a plus connues. Et dans la postologie, voilà, on a des jeunes adultes qui sont, en tout cas pour Kylo, qui ont grandi avec ce genre de cas et qui doivent faire avec, en fait, simplement. Que ça, par exemple, pour Luke, c'est complètement balayé, hein. Le mec, il a été éduqué par des parents adoptifs qui sont de sa famille quand même, mais il a aucune info sur ses parents. Mais c'est vite évacué, à aucun moment ça ressort et ça ressort que quand on commence à parler de son père à Luke, quoi, en fait. Et même là, il vit bien. Plus ou moins bien. Luke, Leia et Anakin, ils ont été élevés par des parents aimants, hein. Même si Leia, oui, et Luke, ils étaient adoptés, leurs parents les aimaient, ils les soutenaient. Bon, oncle Owen, c'est quand même un gros connard, mais oui. Bah, il était un peu trop protecteur et c'était un peu le mec bourru, mais, enfin, il était pas méchant avec Luke. Alors, j'ai compris, mec bourré, mais ça, les deux marchent, en fait. Un peu les deux, c'est ça, reste un paysan, hein. Il était bourru, voilà. Il chargeait un peu le lait bleu, c'est tout, mais, voilà. On va pas boire que de l'humidité non plus, hein. Mais voilà, par exemple, même Anakin, il était esclave, mais Watu, il avait l'air super gentil avec lui quand même, et il avait sa maman, etc. Anakin, ouais, c'est moyen, l'esclave, ouais, le plus vanilla de tous les temps. Ah ouais. C'est un esclave, mais il peut fabriquer sa Ferrari tranquille dans son garage, parce qu'en plus, non, ils ont une maison à eux et tout, tout va bien. L'autre, il le laisse finir le travail plus tôt. C'est vraiment. C'est esclave à la cool. Ouais, c'est vraiment très étrange comme traitement. Je suis sûr que Watu lui lâchait du fric des fois aussi. Tiens, viens t'acheter ce que tu veux. J'imagine bien, ouais, lui sortir l'argent de poche. Acheter du pain pour ta mère. Tu peux garder la monnaie. Mais après, à mon avis, ça vient du fait que, en fait, c'est pas des thèmes. Ils se sont pas dit, on va traiter de ces thèmes-là dans ces films-là. C'est, ils se sont pas posé la question. Bah, ils se sont dit, voilà, Lucas c'est plus simple. Race, en fait, hein, c'est... Oui, voilà, oui, c'est exactement ça. Il s'est dit, on va traiter d'autres choses. Dans la prélogie, c'est, voilà, la montée du régime totalitaire. Il s'est pas dit, on va parler de ces thèmes-là en plus. À mon avis, c'est de là que ça vient, en fait. Mais du coup, comparé. C'est plus de la paresse que de. Ben, ils ont tous eu une enfance plutôt cool. Mmh, ouais. Alors que c'est lui qui devait avoir la meilleure, techniquement. Oui. C'est ça qui est très rigolo. Il n'y a pas de souci d'argent, pas de souci de statut, pas de souci de... Les parents étaient ensemble. De parents, oui. Vraiment, tout était bien parti, quoi. En plus, le petit, il est là, il est en admiration devant son père et tout. Il court à poil dans la maison avec les dés de son père dans la main. Je parle bien des dés de chance, hein. Bizarrement, c'est pas l'image que j'aurais choisi, tu vois, pour illustrer l'enfance joyeuse et tout. L'enfance heureuse, ouais. Quoi, enfin, moi, mes enfants, ils étaient sympa, heureux tout vois, à l'heure, il y en avait un des deux, il était à poil, hein, en train de courir partout. Oui, mais est-ce qu'ils avaient tes dés dans la main? Bah oui, c'est des porte-bonheur dans la main. Déjà, c'est pas mauvais en soi, c'est juste étrange. Et ouais, le petit, il est là et son père, c'est un héros, hein, pour lui. C'est un héros pour beaucoup de monde. Voilà, quand il se fight avec les autres gamins, on disait, ouais, mon père, il pète la gueule à ton père, et ben pour le coup, il a raison. Ouais, bah d'abord, mon père, c'est Han Solo. Moi, mon père, ma mère et mon tonton, ils pètent la gueule à ton père. Mon père, il va dire à son pote Wookie de venir péter la gueule à ton père. Ouais, bah moi ça m'appelle Ben, c'est oui, et tu vas vite comprendre pourquoi. Et t'as le petit, quand il était petit, hein, c'est canon tout ça, lui tout ce qu'il voulait c'était devenir pilote avec son papa et tout. C'est vraiment des jackies dans cette famille. C'est ça. Ils veulent tous être pilotes. Allez faire du tuning. Oh la pauvre Leia, elle est sénatrice, elle voulait un gamin qui fasse des études et tout. De toute façon, le gamin il vient et je vais faire des drifts en speeder sur le parking du Lidl et tout. Enfin, le grand-père et le gamin. Ouais. Tu veux faire quoi quand tu seras grand, Ben? Je vais être le meilleur pilote de la galaxie. Oh, ouais, merde. Mais c'est ton oncle. alors, c'est dit dans quel comics ou quel roman ça me dit rien. Celui-là, je ne sais plus. Attends. Ah bah. J'ai pas noté les sources. On n'a pas les sources, bravo. Le podcast professionnel. Pour le fait qu'il adorait, enfin que, enfin voilà que. Qu'il aimait bien conduire. Attends, ouais, c'est je, un peu partout. Hein. Déjà dans Last Shot, on a un petit peu de ça. Et puis, je sais plus dans lequel. Dans Last Shot, il a 3 ans. Oui, mais il joue déjà. Oui. Il joue déjà avec les dés de son père. Ah oui. Pour ça qu'il a tiré par les manches après. Et pour l'autre, je sais vraiment plus, mais je vous jure que c'est vrai. Je voulais être pilote. Si ça vous intéresse, on retrouvera la source, on la mettra sur Twitter. Attends, je suis en train de regarder là. Bah, déjà, ouais. Si tu regardes que Star Wars avait sorti là, le truc où tout le monde ressemble à des BB-8, mais c'est les personnages de la post-lo, ben t'as BB-8. Mais tu crois vraiment que j'ai le temps pour ça? T'as bébé Ben habillé en même tenue que Han Solo. Hein. Ouais. Voilà. Ah oui, on a une image canon de Ben Solo et il est habillé comme son père. Ouais. Avec un petit pantalon rouge. Ouais. Mais du coup, on en revient au truc avec le fait que ses parents, du coup, ils se disputent à cause de lui, machin truc et tout. Lui, du coup, il se sent abandonné. Hein, il pense qu'il est un monstre. Alors c'est un thème qui va être récurrent pour lui. Hein. Il est rejeté par les gens qu'il aime, et ça marche dans les deux sens. Les gens qu'il aime, lui, et les gens que lui, il aime. Parce que c'est pas forcément les mêmes. Il y a des gens qui, voilà, bah, lui, il aime bien, et les autres lui disent « Ouais, va chier, gamin. » Il est aussi rejeté et maltraité par Snoke, mais il y en a aucun des deux qui l'aime. Ouais. Non, désolé, c'était une connerie. Et du coup, bah, moi, je trouve que, enfin, voilà, après, c'est peut-être, chacun met un peu de soi-même dans le truc, mais, et du coup, ça renforce ce sentiment que Ben, il est traité comme un enfant qui souffre d'un trouble psy, quoi. Bah, moi, par exemple, voilà, je vois beaucoup d'un enfant qui est en dépression, mais personne le voit et ils savent pas, ils savent pas comment gérer ça, hein. Voilà, on connaît les bails. Que du coup, les parents, ils s'en prennent à tout, sauf à ce qu'ils pourraient vraiment avoir, en fait. Au lieu d'essayer d'aider l'enfant, et ben, du coup, ils s'en débarrassent parce que eux, ils y arrivent pas, et donc, c'est Luke qui va y arriver, hein. Du coup, le petit qui voulait être pilote, on s'en bat les couilles de ce qu'il veut, et on va l'envoyer devenir un Jedi. C'est ce que j'allais dire. Au lieu de l'écouter ou même de lui parler à lui, il parle derrière son dos. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Bah, demandez-lui déjà ce qu'il aimerait faire. Ouais, ça c'est un truc qui revient souvent. Hein. Personne ne lui demande son avis en fait. Alors pour Luke après. Hein. Moi je me demandais, est-ce que c'est pas quelque part le fait de l'envoyer à l'Académie Jedi? Est-ce qu'il y a un autre je sais pas, il y a un autre format de réinsertion pour les gens qui ont la force parce que le risque, c'est si on s'occupe pas de ça, c'est qu'ils tombent dans le côté obscur. C'est un truc qu'on voit assez souvent dans les histoires précédentes, les gens qui restent un peu tout seuls, qui a personne pour les guider. Bah si tu regardes, Anakin, il allait très bien et on l'a envoyé sans faire un entraînement de Jedi et c'est après qu'il est tombé du côté obscur, tu vois. Bah ouais, pareil là. Alors qu'avant, bah, c'était quand même peut-être un peu lié à ça. Enfin, il y avait quand même, ça jouait un petit peu sur l'âge, le fait qu'il ait déjà eu le temps de s'attacher à des gens. Voilà, s'il s'attachait à sa mère et ça l'a fait péter un câble quand il s'est fait capturer c'était par les. C'était pareil pour Ben, hein, quand il a été envoyé, il était peut-être même plus vieux qu'Anakin, je sais pas trop. Je sais pas. Si on a l'âge exact, mais en tout cas, il devait être un peu plus vieux que Kanakin. Ok, ouais. Ok. Tu sais, au lieu de se dire, bon, bah, il a la force, mais Leia aussi, elle l'a, elle arrive très bien à vivre juste en sentant la force et sans avoir besoin de la manipuler, ils auraient pu se dire, bah, peut-être qu'il peut vivre avec la force sans avoir besoin de devenir un Jedi ou un truc comme ça, mais ils se sont dit, ouais, il est super puissant dans la force, on va l'emmener chez Tonton pour que Tonton lui apprenne à gérer ça, sauf que, bah. Et Tonton, il a bien géré, hein. ils l'ont amené, ils ont pris le faucon, ils l'ont amené, ils ont fait, ok, bye, et bam, ils ont démarré. C'est ça. Ok, Luc, tu t'en occupes. Tu vas faire un petit stage chez Tonton. Ouais, et du coup, voilà, ça se passe bien avec Luc. Hein. Ils vont se battre contre les chevaliers de Rennes, tout ça. On sait pas trop comment ça s'est passé, hein. Rien que le fait qu'ils aient combattu les chevaliers de Rennes ensemble, c'est un truc très récent, et on n'en sait vraiment pas trop là-dessus. Oui, t'imagines ? Eh, on va emmener Ben chez Tonton Luc, parce que Ben a des problèmes de colère et tout, donc on aimerait qu'il apprenne à faire de la méditation, tu vois, à se détendre et tout, et puis t'as Tonton Luc qui fait « Viens, on va se battre contre des gens super dangereux !»« Let's go !»« Tu vas voir, c'est super zen comme activité !» Après, moi je me demande, parce que c'est un truc qui est vachement exploré dans The Last Jedi, et je me demande, quand Rey commence son entraînement avec Luke, et qu'elle lui dit « Ouais, ça sert à soulever des rochers et tout », et Luke lui dit « Ben non, c'est pas du tout ça la force ». Est-ce qu'il était déjà dans ce délire-là, ou Luke ? Non, dans... je pense qu'il l'a appris. Il était plutôt dans le délire coup de sabre et trancher les membres. Peut-être entre les deux. Je pense qu'il n'était pas au niveau de Yoda encore, mais il était... Tu sais, il devait essayer de faire avec ce qu'il avait, quoi, ce qu'il avait appris un peu avec Yoda, et en même temps, ce qui, lui, l'avait aidé à trouver le bon chemin. Mm-hmm. Et en même temps, je pense qu'il voulait toujours, qu'il était toujours dans son truc de héros, à vouloir aider les autres et tout, et du coup, il s'est dit « Ouais, bah, c'est comme ça que je vais former les autres, en les emmenant sur le terrain pour leur montrer comment aider les autres, etc. Bah, » déjà, le truc qui est intéressant, c'est que lui, il avait pas pris d'apprenti encore. Lui, il faisait ses aventures de Jedi, personne savait ce qu'il foutait. Les Jedi de Luke n'étaient pas affiliés à la République. Mais qui se joue perso. Ouais, Luke et les aventures de Luke qui va chercher des reliques Jedi, des trucs comme ça. Et donc le petit Ben, en plus c'est son premier apprenti. En tout cas c'est ce qu'on nous a dit jusque là. Si ça change par la suite, on fera avec. Mais voilà, donc le mec il est même pas prêt en vrai. Non. Et de ce qui est suggéré en plus dans Last Jedi, c'est que il l'a pris juste parce que c'était son neveu. Il l'a vu, il a fait « Ouais, lui, il va être badass, on va pouvoir bien se battre !» Ouais, c'est ça. Ah, c'est du népotisme en plus. Il était encore jeune et encore dans la fougue de sa victoire face à Palpatine et tout, je pense, Luc. Il n'était pas comme le vieux Luke qui est resté des années en reclus sur Actu. C'est là où il a gagné toute sa sagesse. Il avait pris la confiance. En faisant une rétrospective sur sa vie, alors que là, bah, il était encore jeune, il était dans la fougue du truc. Waouh, je suis un Jedi, je peux faire plein de trucs, allez, qu'est-ce que je peux faire avec ? Du coup, forcément, il n'était pas assez mature pour s'occuper d'un jeune encore plus jeune que lui. Parce que dans le canon, quand même, il reste quand même très très mystique. Hein, ça veut pas dire mature. Hein. Tu peux faire des trucs mystiques en sortant des quotes à l'envers et puis être un jeune chien fou. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, voilà, Luke, c'est très rigolo parce que voilà, Luke, il le prend et puis il le prend comme apprenti. Et je sais pas ce qu'ils lui ont dit pour le récupérer, mais le gars, quelques années plus tard, il fait, il y avait un peu de côté obscur en cet enfant, genre peut-être qu'ils t'ont pas prévenu qu'il y avait un truc. Non, je pense que Leia, elle flippait trop, elle a pas voulu en parler parce qu'elle voulait pas que justement il soit jugé là-dessus. Elle voulait pas que ce soit que les gens aient peur de son fils et tout. Donc elle a dû dire, ouais, il est fort, mais il a besoin de se canaliser. Vas-y. Et n'oublions pas que pendant tout ce temps-là, il est spécial. Ouais, c'est ça. Pendant tout ce temps-là, le petit, il est surveillé et les murmures hein, de Snoke tout au long de sa vie. Ah, je croyais que t'avais parlé de C-3PO, moi. Je croyais qu'il était influencé et... C'est pas grave. Influencé par C-3PO, j'aurais bien aimé voir ça. Mais qui lui apprend les mathématiques en cachette. Du coup, lui qui continue son truc et ça finit mal. Genre le mec qui se rend compte qu'il y a un peu d'obscurité en lui, et du coup qu'est-ce qu'il fait, au lieu de lui demander hein, comme on a dit, au lieu d'aller lui demander ce qui se passe et tout, il va dans la nuit pendant que le gamin dort regarder dans ses rêves, où on ne sait pas exactement ce qu'il a vu. Hein. Est-ce que c'était une prémonition ? Est-ce que c'était genre... Est-ce que il était en train de faire un cauchemar ? Et le mec, il a interprété son cauchemar en disant « c'est ce qu'il veut vraiment faire !» Tu sais pas. Et le mec, du coup, il dit « Bon, bah, je vais le tuer. Et donc il allume son sabre laser et en fait, après, deux secondes après, comme tous les Skywalker, il réfléchit après, il dit mais attends, mais je suis complètement con en fait. Sauf que c'est déjà trop tard. Surtout venant d'un mec qui voulait pas tuer son propre père, qui était un mec qui avait massacré des gens pendant des décennies, parce que non, je sens qu'il y a du conflit, qu'il y a encore du bon dans Dark Vador, c'est mon papounet, mais il voit son neveu gothique, il fait « Ouais, non, il est trop dark !» Ouais, mais le gars... Mais tu sais, c'est justement ça, ça me fait penser à ces adultes qui côtoient ou qui vivent avec des jeunes ados, des ados, et qui pensent les comprendre et les connaître et savoir comment ils fonctionnent, et alors que pas du tout. Ça. Moi aussi, j'ai été jeune. Super. C'est ça, voilà. Après, pour être... Pour voir ça du point de vue de Luke, il voit que c'est quand même, enfin, c'est quand même un type qui est quand même relativement puissant dans la Force. Il voit potentiel au moment où ça arrive, où il a cette vision, il voit ce qui potentiellement pourrait arriver en plus de ça. Il voit pas juste son neveu en train de sombrer dans le côté de la Force. Il voit le côté obscurantique qui revient. Quoi. Et effectivement, ça vient peut-être de son côté Skywalker. Il fait le premier truc qui lui passe par la tête. Il se dit, ben, je vais devoir le buter. Mais c'est qu'un instant, et puis tout de suite après, il se dit mais attends, je suis en train d'être pire que ce que je suis en train de, je vais prendre une décision pire que ce que je suis en train d'empêcher, je vais tuer mon propre neveu. Et le mec a honte, ça se voit tout de suite dans le film du 8 d'ailleurs. C'est un moment intéressant du 8 d'ailleurs quand on voit la comparaison du point de vue de celui qui raconte, on voit les différentes interprétations de ce qui s'est vraiment passé. Alors chez Skywalker, le premier truc qu'on se dit, c'est je vais lui couper la main. Il y a un problème à résoudre. Non, je vais lui couper la main. C'est comme ça qu'Obi-Wan il faisait, ça marche très bien. Ben oui, ça résout tous les problèmes. Mais tu barres mon cul, mais fais chier après, hein. Non mais c'est tout à fait ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Oups, le petit se réveille. Enfin le petit, il a la jeune vingtaine à l'époque, hein, donc il fait déjà 1m89. Et Forcément, il prend pas très bien, quoi. Ouais, le mec, t'imagines, tu viens de te réveiller, t'as la tête dans le cul, je retourne, et t'as l'autre qui est en train de le... Qui en plus, ça se trouve, il rentre dans le mien, il a bédave avec ses potes apprenti Jedi, enfin, on sait pas, quoi. De toute façon, il est dans le gaz complet, hein. Et puis en plus c'est austère là sa chambre là, c'est tout que de la pierre et tout, ça a pas l'air méga confortable, donc voilà, se faire réveiller quand tu dors pas bien, ça doit pas être terrible. En parlant de sa chambre, il y a un détail très intéressant, hein, qui reviendra plus tard, mais je le dis maintenant. Ben a un kit de calligraphie sur son bureau. Oh, ce nerd. Oui, non mais c'est... Ça, alors oui, c'est clairement le hipster. Non, moi j'envoie pas des messages avec mon datapad, moi je les écris à la main. Ouais, lui il est c'est plus il est personnel. C'est pour ça qu'il est merveilleux, c'est un énorme mais oui, il est de trop la bien. Force et des ça me met 6 mois à arriver à l'autre bout de la galaxie, mais moi au moins c'est personnalisé. Tu sais, Ben Solo, c'est le trope du mec super intelligent mais très très con. il sait beaucoup de choses, hein, mais qu'est-ce qu'il est débile. il est pas socialement adapté. Non, ça c'est clair. Et c'est pour ça qu'on peut s'identifier facilement à lui. Et ce qui est intéressant et qu'on vient d'apprendre, c'est que voilà, il y a le truc avec Luke. Donc le gars en défense, qu'est-ce qu'il fait? Il pète sa hutte. Ce qui est très drôle, c'est que la façon dont il le fait, techniquement, je sais même pas comment il a survécu, vu qu'il était aussi dans la hutte, mais bon. Les deux ont dû la prendre sur la gueule, hein. Il sort de sa hutte, et t'as les autres mecs qui viennent, ils font, t'as tué Luke, et du coup, qu'il attaque. Non, super réveil, tu sais. 3h du mat, vraiment la journée de merde, quoi. Ton oncle essaye de te buter, t'as pété ta chambre, tout le monde veut te buter. Mon kit de calligraphie, merde! ça c'est un spoiler du coup de la du comics The Rise of Kylo Ren qui arrivera en décembre. C'est que en fait Luke dans l'épisode 8 il dit ouais, il a pris quelques-uns de mes apprentis et il a tué les autres. En fait, pas du tout. Ceux qui n'étaient plus là et qui n'étaient pas morts, ils étaient en train de poursuivre Kylo Ren à travers la galaxie parce qu'ils étaient persuadés que Luke était mort. Ben, c'est pas encore Kylo Ren. Oui, Ben. C'est pas mal les apprentis Jedi qui essayent de se manger. Ouais hein, putain, bravo le prof. Ouais, c'est ça. Bravo. Sur le concept, on est bien, là. Ouais, c'est... Pas faux. C'est intéressant. Et on apprend aussi que du coup, Ben, tellement désespéré de cette situation, tout le monde essayait de le buter alors que lui, il roupillait tranquillement. Sa famille, ça fait, c'est le troisième membre de sa famille qui le déçoit, quoi, qui l'abandonne. Voilà. D'une manière grave. Le gars, le seul endroit où il se dit qu'il va pas se faire buter et où il va être en sécurité, c'est chez Snoke. C'est très intéressant d'ailleurs la façon dont ils écrivent ça, parce qu'ils disent pas ça, ils disent pas ça, ils disent que c'est son seul ami dans la galaxie. Donc le mec en plus il croit que Snoke c'est son pote. Oh l'ami pourri quoi. Ah ouais, non, mais... Le mec il croit que la seule personne qui est son ami c'est Snoke. Donc voilà, dire à quel point le mec il en est réduit. À quel point le mec est seul. Mon seul ami, c'est un mec avec une tête d'œuf dur moisi et habillé en soutane dorée là. Tu imagines, t'es tranquille là, t'es un prince et tout, et puis t'as toute ta famille qui te rejette. Bon ben, je suppose que je vais devoir aller pioter chez Hugh Hefner. Et ça, quelque part, c'est aussi un élément qui peut se voir dans la vraie vie. Des gens qui, voilà, sont vraiment abandonnés et se tournent vers des gens qui leur disent exactement ce qu'ils veulent entendre, mais pas parce qu'ils veulent être bons pour eux, mais juste parce qu'ils veulent les manipuler. C'est un truc qui se voit souvent. Oui. C'est courant. Donc, ça aussi, c'est un élément intéressant. Encore une fois, voilà, c'est le... C'est un trope des enfants qui sont perdus. En fait, c'est ça qui m'énerve. C'est tout le monde là qui vient dire oui, mais Kylo Ren, c'est un nazi de l'espace. Non, non. Le nazi de l'espace, c'est Hux. Oui. Kylo Ren, c'est pas ça. Oui, le mec à la fin, il finit à la tête du truc et il collabore avec eux, mais il y a clairement une distinction entre Kylo Ren et le premier ordre en tant que tel. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais Kylo Ren, c'est clairement, c'est l'ado qui justement traîne sur les réseaux et qui se fait happer par ce truc-là, mais non, même pas. Lui, c'est vraiment un cas encore différent. Mais... Ouais. Je sais pas, non, ça me semble plutôt cohérent, moi, perso, cette interprétation-là. Ouais. Il est pas autant dans le truc que les autres, mais c'est les seuls qui sont cool avec lui. Donc il est un peu obligé de traîner avec eux. Ouais, voilà. Alors, mais c'est coup, pas forcément, mais peut-être déférent aussi envers lui, quoi. Enfin, oui, il est en position de pouvoir, même si il garde clairement l'ascendant sur lui, il le met en position de pouvoir. Donc forcément, il y a que là-bas qu'il peut faire ce qu'il a envie de faire, enfin ce qu'il veut faire. Enfin, pas forcément. il lui donne ce qu'il cherche, il lui donne de l'importance, il donne le fait. En fait, il lui donne une importance, oui, clairement. Même pas encore entièrement, c'est ça le truc avec le fait que Snoke soit un abuseur, etc. C'est que c'est le genre de personne qui va te faire croire que personne peut te donner autant de liberté, pouvoir, etc. qu'eux, mais qui en même temps te traite comme une sous-merde. Du coup, Kylo Ren, il est dans cette position où. C'est un pervers narcissique, non ? Quelque part. Ah oui, non, mais c'est tout. Ouais. C'est le... Je suis pas très calé dans ce genre de questions, mais c'est... C'est le genre de mec qui te dit, sans moi, t'es rien, et en même temps, tu sais, il joue sur ce double plan de flatter ton ego et en même temps te réduire en poussière, et du coup, t'es bloqué dans ce genre de truc où, c'est nul. C'est de la merde. Du coup, t'es tout le temps malheureux et en colère, donc ça tombe bien hein, quand tu veux donner du fuel au Dark Side. Et en même temps, tu t'as nulle part où aller parce que tout le monde t'a abandonné et les autres, ils veulent te tuer. Donc au moins, t'es avec un mec qui te bat, qui te défonce la gueule, mais t'es pas mort, tu vois. Du coup, c'est cette situation horrible dans laquelle est Kylo Ren. Ça, par contre, on en a une trace dans l'épisode 8, hein, clairement. Mm-hmm. Oui, et puis dans les comics qui sortent, là où on le voit se faire frapper, etc., par Snoke. C'est encore plus flag, ouais. Mais... C'est pour ça, les gens qui pensent que Kylo Ren, c'est juste un psychopathe, un assassin et tout, ils sont complètement passés à côté du personnage. Mais tu sais, en fait, moi, je me demande en fait, si finalement, on se retrouve pas un petit peu dans ce cas-là aussi pour les gens qui détestent Kylo Ren. Je pense pas que la plupart des gens détestent Kylo Ren. Je me demande s'il n'y a pas aussi cette méthode, c'est un peu des fois une sorte d'esprit de groupe où on va raconter des conneries juste parce que, voilà, on se les fait dicter par des gens qui ont décidé de détester la nouvelle trilogie, en fait. Ah oui, il y en a plein que tu vois, les arguments qui te sortent, c'est des trucs de youtubeurs d'extrême droite qui répètent tous la même chose, et les gars, ils te ressortent les mêmes arguments, et c'est même pas des arguments, parce que il y a, enfin, il y a pas de fond derrière, et du coup, t'es genre, bah, ok, explique-moi le truc, et ils sont genre, et c'est vide, et c'est juste, ils répètent juste des trucs qu'ils ont entendus, et eux, ça les confortait dans, je sais pas, une émotion qui leur plaisait, et du coup, ils sont persuadés que les choses sont comme ça, et c'est, la plupart des haters sont comme ça, c'est des gens qui veulent pas chercher à connaître la vérité, c'est des gens qui veulent juste se passer les nerfs. Avoir raison. Ouais, c'est même ça. Même si c'est faux. Ouais. Oui, bah, l'extrême droite. Ouais. Tous les gens pleins de haine, bizarrement. Du coup, voilà. Et parmi. Mais il y a des gens aussi qui aiment bien le personnage de Kylo Ren, mais qui sont là en mode ouais, mais non, c'est un vrai. C'est un pur méchant. Hein, vous pouvez pas dire ça. Du coup, c'est intéressant parce que. C'est très impliqué dans The Last Jedi, hein. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui avaient vu à l'époque que Snoke c'était la façon dont il était codé par rapport à Kylo, c'était comme un abuseur avec voilà avec sa victime. Hein, le mec c'est un prédateur dégueulasse. Et récemment, il y a eu un comics qui est sorti dans lequel on voit Snoke qui lui fout des énormes torgnoles, hein, qui le jette dans le vide. Ça commence littéralement par Snoke qui jette Kylo dans le vide. Tranquille déjà, bon entre en matière quoi. Ouais, et Kylo il remonte et il fait ouais qu'est-ce qui est, enfin si j'avais pas réussi à me rattraper, vous m'auriez sauvé. Le mec il le regarde et fait Skywalker, il aurait fait. Donc voilà, après voilà, le gars il voit qu'il a la bonne ambiance déjà. Mais c'est intéressant, mais... le masque c'est pas une idée de Snoke non plus, et ça j'attends de voir un petit peu les chevaliers de Rennes parce que ça a l'air d'être leur trip à eux le masque. Mais attends, en même temps t'as vu leur dégaine au mec. C'est des cosplayers. Ouais. Les mecs ils sont fans de Rennes et puis c'est tout quoi. Mais moi je me demande en fait parce que je vois vraiment comme des punks à chiens moi. Je sais pas, Donc ouais, moi je me demandais en fait, c'est quand même un thème lourd à traiter, voilà, l'abus psychologique, les problèmes, la santé mentale, les problèmes avec les parents. Vous pensez que c'est un truc qui a été prévu dès le départ ou c'est un truc qui s'est collé plus tard sur le personnage? Ils se sont dit tiens, ce serait intéressant d'en parler parce que franchement, moi si c'était pensé dès le départ comme ça, moi j'applaudis parce que c'est quand même vachement, c'est bien fait, ça en parle bien. Et puis c'est courageux d'avoir parlé de ça dans un truc, voilà, un film qui est formaté pour être une machine à pognon. Non, je vais le dire tout de suite parce que moi je dis de la merde sûrement, mais je pense que ça arrive avec l'épisode 8. J'ai l'impression perso que c'est avec le 8, mais même, du coup, comme je disais, je dis de la merde et je vous laisse parler. Je pense que c'était prévu dès le départ parce que Adam Driver est le genre d'acteur qui accepte que des films d'auteur ou des films avec une ambiance spéciale. Monsieur est un hipster, monsieur. Mais est ça, mais c'est non, complètement un hipster, et le mec, il est là, genre, oh là là, les jeunes avec leur téléphone. Il a clairement dit que il n'aurait pas accepté de jouer dans un blockbuster comme ça s'il y avait pas, si le personnage était pas intéressant. Il a joué dans un film de zombies merdique l'autre jour, on n'a rien dit, hein. Mais bon. C'était un film d'auteur. Est-ce qu'il était déjà au courant? Parce que, quand on voit le set, il est au courant de tout depuis le début. Il est au courant de comment finit la saga. Ah ok, bah, bon bah d'accord. Il sait comment son perso va finir. Exactement. C'est pour ça. Parce que moi je suis d'accord avec, Matt dans le sens où c'est pas encore des thèmes qu'on voit vraiment dans le set. Dans le set, on voit que c'est un type qui est. Ouais, voilà, ouais. Mais c'est vrai que dans le set, on se dit c'est un mec tiraillé entre le noir et le côté clair et le côté sombre. Mais la thématique arrive vraiment avec le 8. Bah, le truc oui, des c'est parents ça, hein, est abordé. Il n'y avait pas le time dans le 7. Hein. Le truc mais les parents sont abordés dans le 7, oui. Oui, ça, oui, c'est vrai, oui. Il faut dire en même temps, Snoke, il a 30 secondes de temps d'image, je crois, un truc comme ça, quoi. Enfin, c'est très court, ils n'ont pas le temps de. Ils avaient beaucoup de choses à introduire, en fait, dans le film, donc ils ne pouvaient pas aller autant sur les personnages que dans le 8. Mais déjà, il y avait pas mal de choses annoncées, pas mal de nuances et tout à voir dans le 7. Et aussi, donc pour revenir sur est-ce que le personnage était pensé comme ça de base, Kathleen Kennedy a clairement dit que Kylo Ren était pensé justement pour inclure le genre de gars qu'on trouve sur Internet qui se retrouvent dans des communautés toxiques, etc. Et que justement, le message, attention gros spoiler, c'est que tu dois pouvoir t'adresser à ce genre d'ado perdu pour leur dire que tout est pas perdu, que tu peux toujours revenir à un elle truc mieux et t'en sortir. Elle dit, mais attends, elle tu es en train de dire que le film était fait pour les haters, c'était fait pour eux. Depuis le début, c'était pour eux le film. Et ils ont rien compris. Ouais. Non ! Oh, c'est mais beaucoup trop. Comme elle dit, hein, c'est leur montrer qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison. Ouais. Ouais, ouais. Il y en a quand ils vont écouter le podcast, ils vont avoir la tête qui tourne, hein, je crois. Ah oui, là, waouh. Ah mais attends, c'est ça qui est génial avec la post-lo, c'est que ça s'adresse aux garçons paumés d'internet, et en même temps c'est une trilogie centrée sur le regard féminin et le voyage de l'héroïne. Du coup c'est poum, allez, on vous sort complètement des chemins auxquels vous êtes habitués, prenez ça. Ça explique aussi pourquoi il y en a qui sont autant perdus. Hein. Ah oui, oui. Ouais. Et ben, sûr, il y a une grosse misogynie latente hein, dans ceux qui détestent la post-lo et notamment The Last Jedi. C'est évident depuis les débuts depuis les premiers tweets plein de sel, c'est évident ça, ouais. Clairement. Mais pour ceux qui aiment l'approche, voilà, jeune garçon perdu d'internet, il faut lire Lien du sang. Je crois qu'on l'a déjà dit dans plusieurs épisodes, mais vraiment lisez Lien du sang. C'est très actuel, ça parle beaucoup, je pense, de l'ère Trump, de l'ère alt-right, de ce genre de choses. Vraiment, lisez-le, c'est cool. Et c'est très bien écrit. Ouais, il y a un jeune homme. C'est pas Kylo, mais il y a un jeune homme perdu. Ouais. Et c'est très bien. Mais du coup, Kylo, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ce que les gens disent, hein, c'est Vador en nul, qui est en cosplay tout pourri. Pourquoi? Comme je vais citer putain, ça y est, je vais m'auto-trigger. Je vais citer un génie. Hein. Pourquoi il porte un masque? C'est pour cacher ses oreilles de Dumbo. Ah, tu le fais tellement bien. Je sais qui c'est. Donc pour répondre à ce genre de connard qui se prétend analyste. Hein, lui, il est vraiment tombé du côté obscur, lui. Ouais. Lui, c'est pas récupérable en plus, tu vois. Moi, genre, je critique les films, mais ce serait trop difficile d'essayer de comprendre. Hein. Tout au long de l'épisode 7, hein, on voit qu'en fait, autant le masque de Vador, c'était pour l'aider à respirer, autant celui de Kylo, c'est juste pour. Parce qu'il sait pas gérer ses émotions, et que ça lui sert comme. Vous savez quoi, comme un masque en fait. Tu veux dire que c'est un petit peu comme les ados qui se mettent à s'habiller comme des gothiques ou à écouter du métal, avoir les cheveux longs et porter des pics. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que il essaye de se créer une identité où il est fort, où il est en contrôle, alors que en vrai, sous le masque, il est pas du tout en contrôle. Ce qui est génial, c'est le moment où il est devant Snoke. Et il y a Hux qui arrive derrière, et là c'est là où normalement, si t'es pas trop con, tu comprends pourquoi il a son masque tout le temps. C'est que t'as l'autre qui arrive derrière, et là il sait plus où se mettre, il est sur le point de pleurer, il sait pas quoi faire parce que l'autre il est en train de le bolosser. Mais t'as aussi une scène dans le set où un officier vient lui dire qu'ils ont perdu je sais plus qui, et il se met à rager, à tout défoncer. Ouais. Les consoles et tout, et je me souviens que j'avais eu des retours comme ça, qui disaient, ouais, mais regarde, c'est un rageux, il est nul, enfin, pourquoi il fait ça, enfin. Mais c'est un ado qui est frustré, qui est pas, il est pas bien, il est frustré, ça se passe pas comme il voudrait, il arrive pas à contrôler sa colère, enfin. C'est comme disait. Ça a énormément de sens au final, tout ça, pardon. C'est comme disait les Lucasfilm, t'imagines si le gars il avait pas son masque, il aurait aucune crédibilité, parce qu'il aurait ses grands yeux de porg tout larmoyant comme ça, il aurait ses petites moues de la bouche et tout, le mec il serait grillé. Mais t'es pas du côté obscur, toi. Si, je suis très méchant. Mais même sans être du côté obscur, dans le premier ordre, c'est des gens comme Phasma qui sont glorifiés. Oui, ou Hux, c'est des gens qui ont l'air d'avoir aucune. Voilà, enfin, Hux, encore, etc. il a le bagage de son daron derrière. Alors là, faut lire Phasma notamment. Oui. Mais il y a le bagage du daron qui fait que derrière, il a réussi à obtenir une place assez importante. Alors c'est Riposte et Phasma à lire. Mais voilà, Hux, il a. C'est un peu un cas de népotisme quand même derrière, mais une Phasma, c'est clairement elle est pire sous l'armure qu'elle ne l'est en réalité. Au contraire, l'armure atténue le personnage. Kylo, voilà, c'est l'inverse, hein. C'est clairement, il se crée une identité pour être au niveau, si on peut dire, quoi. C'est pas qu'on le voit pleurer, tu sais. Moi, c'est par rapport au masque, je me demandais aussi s'il n'y a pas un truc, pour le truc purement pratique de cacher son visage, pour cacher sa filiation avec Anne et Leia, pour pas que ça se sache dans le reste du Premier Ordre et le reste de la galaxie. C'est pas flag quand même. Hein, c'est... Ouais, mais à ce moment-là, c'est peut-être pas les gens du Premier Ordre qui le sauront, mais j'imagine que Anne et Leia doivent quand même essayer de retrouver sa trace, donc c'est un moyen de justement qu'ils puissent continuer sans qu'ils arrivent à le retrouver. Peut-être aussi, oui. Enfin, ils connaissent Kylo Ren, mais ils savent pas que ce sont leurs fils en dessous, oui, clairement. Mais je pense que le. Bah, s'ils le savent au bout d'un moment, donc, dans le. Ouais, je me demandais, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils l'apprennent? Non, je crois que ça n'a pas encore été abordé. Pas encore, non. Okay. Peut-être dans The Rise of Kylo Ren, ce sera abordé, peut-être. Mm-hmm. Ou dans Résistance, ça serait bien. Ouais. Ah, ouais, je dis ça comme ça. Bref, on veut plus de Kylo Ren partout. Plus de torse-poil, s'il vous plaît. Yeah. Et plus de swallow. Au final, le fait qu'il porte son masque, donc comme on dit, hein, c'est aussi pour essayer de faire le bonhomme, hein. Bah, clairement, hein, c'est mais le bad guy. J'en profite maintenant, mais c'est clairement un jeune homme qui essaye de faire le bonhomme. Ouais, ouais. Sauf c'est, que c'est pardon. Ouais, je le ferai plus tard, sinon j'en parlerai plus tard. Vas-y. Du coup, comme on disait tout à l'heure, sauf que il est beaucoup plus codé comme un anti-héros que comme un vilain. C'est le souci, hein. Il le dit, hein. Il ressent toujours l'appel à la lumière. Et les seuls moments de sa vie où il réussit des trucs, c'est quand il fait des trucs de héros. Il y a un comics récemment qui est sorti, où il doit reprendre le contrôle d'une planète, cette planète-là avait déjà eu des conflits à l'époque avec Vador. Ça avait fini en guerre pendant des mois et des mois. Il y a des milliers de morts de tous les côtés et tout. Et puis au final, bon, ça s'était terminé en mode on se casse. Kylo, il y va en tant que bon fils de son père et de sa mère. Il va négocier avec les chefs, et ça finit avec lui qui coupe le chef en deux. C'est sa spécialité. C'est l'héritage du grand-père, ça. Mais ouais, couper des trucs, ouais. T'as le vétéran, t'as un vieux soldat vétéran qui était là à la première guerre, qui lui fait « Oui, alors j'appelle pas trop ça des négociations. » Et lui qui fait « Bah écoute, moi j'ai pas trop entendu de mauvaises réponses de leur part, hein. » Le gars est sûr de lui, et il apprend que les gars, sur cette planète là, ils vénèrent une créature comme si c'était un dieu. Matt, c'est une zilobiste. Ouh. Ouh. Donc on a déjà vu dans Clone Wars, c'est une créature vraiment imposante qui a une particularité, c'est que sa carapace est impénétrable. Donc Kylo, hein, comme c'est le, comme j'ai dit, hein, le fils de ses parents et le petit-fils de son grand-père, il fait OK. Eh ben, si les gars veulent pas m'écouter, je vais aller m'occuper de leur bestiole. Donc il s'envole avec son avec un vaisseau, et comme il sait que le truc est impénétrable, il se jette directement dans la gueule du truc. Normal. Pendant ce temps-là, il n'y a pas encore les combats ont pas encore commencé, hein, c'est-à-dire que du côté où il y a eu Vador qui a fait des milliers de morts de tous les côtés, pour l'instant les seules personnes mortes, c'est ceux qui ont négocié avec lui. c'est juste les chefs. Donc le gars, il se jette dans la gueule de la bestiole et il la tue de l'intérieur. Il ressort du truc, il fait voilà, votre dieu il est mort. C'est qui votre chef maintenant? Et tout le monde se prosterne face à lui. Et ça, c'est un truc de héros. C'est-à-dire que oui, le gars... Oui, parce qu'il intervient sans... Enfin, sans effusion de sang autre que voilà, autre que les militaires et les voilà. Mais voilà, il évite clairement effectivement le massacre en trouvant une alternative, pardon. Voilà, donc en faisant ça, non seulement il arrive à de meilleurs résultats que Vador, mais en plus, il a un comportement de héros, enfin, oui, de anti-héros, hein, parce qu'il a quand même buté les gars de... mais voilà, pareil, quand est-ce qu'il réussit à faire un truc dans les films, c'est quand il décide de sauver Rey et de tuer Snoke à la place, au lieu de s'enfoncer dans le côté obscur. Enfin, ça arrive quand même assez tardivement, hein. Je veux dire, il a déjà eu plusieurs communications Skype avec elle. Mais oui, voilà, c'est ça. Et c'est, ce qui est intéressant, c'est que justement, avec la communication Skype, en fait, Rey qui... Enfin, elle détestait le gars, hein. C'était le gars qui avait tué Han Solo, machin, truc et tout. Elle apprend quand même à le connaître. À connaître, en fait, Ben et pas Kylo Ren. Ce qui est très intéressant. Donc, lui, il s'ouvre... en tant que lui-même, il est ultra honnête. C'est un truc qui est assez intéressant. T'as tout le monde qui dit ouais, il la manipule, genre. Mais non, il y a qu'avec elle qu'il est honnête. Oui, c'est ça. Mais non, par contre, je sais pas si c'est codé ainsi, mais on. Je sais plus ce que je voulais dire. Putain. Allez, vas-y, tu vas y arriver, bébé. Je voulais dire que. Oh putain. Tu peux le faire. On parle depuis le début d'un ado qui est voilà qui gère un peu comme il peut. Là, c'est la première fois peut-être qu'il tombe sur une femme à qui il peut parler directement, en étant honnête, enfin voilà, il doit être le chapiteau hein chez lui quoi. Puis une qui peut le comprendre en plus parce qu'ils donc ont forcément il a pas non plus à se faire tuer par ce dos quoi derrière, enfin. Et puis oui, elle peut le comprendre en plus. Et justement c'est pas rien. À chaque fois, hein, c'est le moment pivot pour son personnage. Dans l'épisode 7, le moment pivot, c'est quand il doit tuer son père. Et lui, il pense que s'il le fait, il tombera définitivement du côté obscur. Et ça y est, il sera enfin le méchant qu'il doit être. Il pense se libérer en faisant ça, en fait. Oui. Hein, il pense se libérer de son... de son passé quelque part. Lui en fait, il pense que s'il tue son père, il va plus avoir d'émotions, il deviendra un Vador psychopathe et c'est ce qu'il veut. Lui, il veut plus rien ressentir. Ouais. Et il le fait aussi pour Snoke, hein, clairement. Il le fait pour Snoke, oui, pour lui prouver aussi qu'il peut le faire. Oui. Sauf et que, contrairement à ce que les gens pensent, hein, comme JJ a dit, quand il est sur le pont, il sait toujours pas, hein, jusqu'à ce qu'il ait appuyé sur la gâchette, il sait pas ce qu'il va faire. Mais il me semble que Solo s'avance aussi, enfin pousse un peu hein, sur le sabre. Enfin, ça c'est une grande théorie des gens qui pensent qu'il l'aide vraiment. Je suis un peu partisan de ça. Hein. Je pense qu'il l'aide quelque part. Pour une fois, Solo comprend un peu ce qui se passe. Pas qu'en surface, hein, mais pour le coup, il comprend un peu ce qui se passe. Et il se doute, je pense, que Kylo, s'il laissait son père s'échapper une nouvelle fois, ça allait pas se passer super bien pour lui non plus. Et qu'il devait, enfin, que d'une façon ou d'une autre, il allait aider ou pas, enfin, sans forcément sauver son fils, mais il allait forcément l'aider d'une façon ou d'une autre, quoi. Ouais, après, moi, je pense que, comme je l'ai déjà dit, Kylo, il savait pas s'il allait tuer Han ou pas, jusqu'à ce que il y ait plus du tout la lumière de l'étoile, parce que, justement, il lui dit, hein, clairement, il lui exprime son conflit, il dit qu'il sait ce qu'il doit faire, mais il sait pas s'il en a la force, et l'autre, il lui attrape le sabre, il lui montre son soutien, et, en fait, quand l'étoile finit d'être absorbée par Starkiller, ben Kylo, il se rend compte que c'est trop tard de toute façon, parce que même s'il tue pas son père, ben sa mère va mourir, tous les gens de la résistance vont mourir, et donc il aura plus rien. Il sera tout seul face à Snoke. Ah, donc il faut qu'il aille plus loin, quoi. Il aura plus de raison d'aller du côté lumineux, en fait. Et du coup, il se dit, c'est trop tard, donc autant continuer de ce que je suis censé faire. Comme ça, au moins, je me ferai pas défoncer par Snoke quand il aura tué tout le monde. Et du coup, c'est pour ça que, il tue Han, et il fait ce que Snoke attend de lui, parce qu'il pense que de toute façon, Snoke a gagné. Oui, parce que clairement il y a la crainte de ce que Snoke va lui faire ensuite, quoi. Ouais. C'est t'avais ton père sous le pif, t'as rien fait, t'es une merde. Il lui reproche que ça lui ait fait mal de tuer son propre père. C'est ça, hein. Moi, je serais pas aussi certain, sur le fait qu'il était pas sûr, parce que la manière dont c'est formulé, ça pourrait aller dans les deux sens. Le fait que justement, il est en train de se dire, voilà, pour montrer quelque part, Snoke, c'est le pote qui te dit, si tu es vraiment un mec, tu dois être, capable d'aller voler le scooter, et donc il se dit, pour prouver que je suis vraiment un vrai à Snoke, je dois faire ça, mais je sais pas si je suis vraiment capable de le faire. Oui, mais et ça montre qu'il est pas sûr. Hein, il vient avec l'intention de le faire, mais il hésite clairement. Oui, puisqu'il le dit qu'il hésite. Ah ok, j'avais mal compris ce que vous vouliez dire. Ouais, ok. Non, ça peut marcher dans les deux sens. Quand il dit qu'il sait ce qu'il a à faire, il peut être en train de penser à, il doit tuer Anne pour que Snoke enfin de l'estime pour lui, ce qu'il croit. Ou l'autre, ça marche les deux, quoi qu'il en soit, et il est dans ce truc où il sait pas de quel côté il doit aller, et quand il voit que de toute façon tout est foutu et que Snoke a gagné, enfin c'est ce qu'il croit à ce moment-là, ben il se dit du coup c'est Snoke qui gagne, donc il faut que j'aille du côté de Snoke si je veux survivre. Moi je pense qu'il y a clairement aussi, pareil, une volonté de Solo de l'aider à survivre dans la situation dans laquelle est Ben. Oui, peu importe ce qui allait se passer, de toute façon Anne voulait assumer ses responsabilités de père et aller au bout du truc, même si ça lui coûtait la vie, c'est pour ça qu'il lui caresse le visage. Oui, clairement, il sauve la vie de Ben quelque part en s'avançant sur le sabre. Mmh. Et c'est pour ça qu'il lui caresse le visage, je t'en veux pas, je sais que tu fais ça pour essayer de t'en sortir et j'espère t'avoir aidé. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont raté le coche aussi à ce moment-là. Peut-être qu'ils avaient les yeux trop mouillés à ce moment-là, mais. Il y a aussi beaucoup ce truc de. Ouh là là, les parents, c'est sacré, hein. Tuer son parent, c'est vraiment un truc horrible. Enfin, oui, il y a ça aussi, oui, c'est ce truc. C'est ce truc problématique de. C'est un tabou. C'est cool. Alors, je dis pas que je tue mes parents tous les jours au petit-déj, hein, mais. Non, mais c'est ce truc problématique de la. Non, pas du tout. Qui est très américain et qu'on trouve aussi dans La Manif pour tous et tout, du truc de un papa, une maman, oh là là, les liens du sang, c'est important et tout. Sauf que tout le monde n'a pas des. C'est pas parce que t'es lié par le sang à quelqu'un que cette personne, elle est bien pour toi. Il y a des parents qui sont des monstres. Tu peux les tuer métaphoriquement. Là, c'est clairement montré, imagé, mais. C'est aussi symbolique, quoi. Oui, oui. Et puis, c'est tuer le père, quoi. Soit tu tires un trait sur ta famille ou une partie de ta famille, soit tu désacralises tes parents. Enfin, il y a plein de façons de tuer ses parents, en fait. Mais justement, qu'est-ce qu'il n'arrive pas à faire ensuite ? C'est tuer sa mère. Voilà. Oui. Les gens qui, il y a beaucoup de gens qui espéraient hein, que c'est la dualité des gens qui pensaient comme lui que ça y est il était complètement du côté obscur maintenant. Après avoir ils ont bien joué avec ça dans le trailer, faut dire. Hein. Ils ont vraiment. Et après justement dans le trailer t'as les gens qui étaient là genre il a pas intérêt à tuer Leia, bah ouais mais faudrait savoir, vous voulez qu'il soit vraiment méchant ou vous voulez que ça vient aussi du fait que c'est un personnage populaire. On va jamais se dire, on s'y attachait depuis 4 films. Les gens étaient moyen chauds pour que ça arrive. Et justement, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Et puis personne voulait voir Leia mourir surtout. Quoi. Mais aussi, je pense que ce qui. Sauf que Carrie Fisher a décidé autrement. Je me casse de ce podcast. C'est trop tôt encore. Toujours. Toujours trop tôt. Always. Mais mais aussi le tuer Han Solo pour lui c'était aussi tuer une partie de lui parce que il s'identifiait à son père, il voulait être comme son père et Snoke passe son temps à lui dire t'es trop comme ton père, t'as trop du cœur de ton père en toi. Alors que sa maman, il a pas du tout la même relation avec, il voulait pas être sénateur comme sa mère, il voulait pas être tout ça donc c'est encore plus difficile parce qu'il se voit pas dans sa mère, alors que dans son père, il moi, se voyait. Quand je serai grand, je vais être contrebandier, sénateur, Jedi, pilote. Tu vois, dans son père, il se voyait lui-même et c'est ça qui l'a tué. C'est cette partie de lui-même qu'il voyait se refléter dans le visage de son père, alors que sa mère, c'est pas du tout le même lien. Il se voit pas en elle, il voit juste sa mère, celle qu'il aurait aimé voir plus souvent, dont il aurait aimé recevoir plus d'amour, plus de compréhension, etc. Et du coup... Mais il n'a pas d'animosité envers sa mère particulière. C'est ça, il a juste des regrets et de la tristesse. Alors que c'est elle qui l'a envoyé chez Luc. Et Elle pensait bien faire aussi, quelque part. Enfin, je pense pas qu'il puisse l'en vouloir. Enfin... Ouais, et puis après, ils sentent l'un l'autre, donc ils sentent ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Même s'il le tourne aussi, s'il l'explique avec avec des éléments de scénario que vous avez brillamment exposés, est-ce que il n'y a pas aussi une logique de film derrière ça que serait quand même peut-être alourdi un peu trop l'ambiance du film s'il avait tué les deux? Comme l'a dit Carrie Fisher dans une interview, hein. Don't kill both your parents, it's redundant. Bon bah voilà, c'est redondant. Mais... moi mais perso truc, dans la salle je m'attendais à ce qu'elle meure dans le 8 en fait, donc j'étais serein en fait, hein, de ce point de vue là. Ah, moi pas du tout. Quand il va vers elle et qu'il la tue pas, bon, je savais qu'il le ferait pas, et après quand les deux autres ils tirent, j'étais genre oh shit, et puis la tête qu'il fait, je crois que c'est... On en parlera peut-être pendant le film, ça. ça pauvre. Moi, je m'attends à rien quand je vais voir les films. Je sais même pas quel film je vais voir. Je suis à peu près pareil. Il rentre dans les salles à l'aveugle. J'y vais, ouais. Ah, c'est Star Wars, cool. J'ai entendu parler. Je me suis pas gouré de salle cette fois. La dernière fois, j'ai vu Elvin et Chipmunk, c'était assez chiant. Hein. 6 fois, quand même. Hein, ça m'est arrivé dans 6 salles différentes. Ça m'est arrivé une fois d'aller voir un film en pensant aller voir un autre et je me suis dit mais c'est pas du tout c'était pas du tout ce qu'il y avait dans le résumé. Ça m'est arrivé une fois. Ah, c'est et au final le film était bien. Heureusement. Alors c'est pas le Joker alors. On en parlera hors antenne. Alors. Tu l'as pas vu, je dis ça comme ça, c'est gratuit. Est-ce qu'on est bon là? Oui. Ouais. Oui, vas-y, mais enchaîne. Du coup, il tue pas sa mère, mais après, il tue Snoke. Yes. C'est très cathartique, hein, pour beaucoup de personnes, hein, qui... Grave. Qui sont aussi victimes d'abus comme lui. Mais du coup, pourquoi il le tue? Parce qu'il a eu l'aide de quelqu'un d'extérieur qui l'a aidé à s'extirper. Parce qu'il y avait de l'espoir. Parce que l'appel de la kick, parce que qu'est-ce qu'il y a, quoi? Bah, il y a l'espoir, il y a le... Il veut de la chatte. Il a trouvé quelqu'un qui le comprend. Ouais, moi je pense qu'il veut de la chatte. Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Il y a tellement d'imagerie là-dedans, dans le film. Mais il a de l'espoir. Il a trouvé quelqu'un à aimer, quelqu'un qui le comprend et qui l'abandonne pas, qui est venu même carrément maquillé et tout en mode « je viens te sauver directement sur place alors que je suis entouré d'ennemis ». Et il s'est dit « ouais, ok, elle est aussi conne que moi, c'est parfait. C'est une Skywalker. Et puis même... Oh, vas-y. Et du coup, il s'est rendu compte que, il était plus tout seul. Et donc, il pouvait se débarrasser de l'autre vieux dégueulasse. Et puis surtout, je crois que c'est la première personne à avoir, enfin, à part sa mère, et encore, à avoir été, honnête avec lui, plus ou moins gentil avec lui. Encore, je suis même pas sûr du terme, je dirais pas gentil, mais vraiment honnête, quoi, Je pense que c'est la compassion, de l'empathie. C'est la première personne à l'avoir écouté, tout simplement. Aussi, oui. Ouais, tout simplement, ouais. Et la première personne aussi de lui dire, mais tu t'écoutes quand tu parles, tu vois les conneries dans lesquelles tu te mets dedans, voilà, c'est un truc qu'on voit dans la vie. C'est pareil, voilà, des gens qui vont dans des trucs, qui s'enferment dans des cercles complètement délirants parce qu'il y a personne qui les écoute. Et quand ils trouvent enfin quelqu'un avec qui ils peuvent en parler, c'est à ce moment qu'ils réalisent des trucs qui sont aberrants pour n'importe qui d'autre. Que ce soit de l'alt-right ou du politique ou des sectes ou n'importe quoi. Ou même simplement une relation toxique, voilà, avec un pervers narcissique. Quand t'as quelqu'un qui vient te parler et qui te dit, enfin, regarde un peu, enfin, ouvre les yeux, prends du recul, quoi, simplement. Et lui, tu fais quoi là, enfin, réveille-toi, quoi. Et là, le gars, il a plein de win d'un coup. C'est-à-dire que elle vient, il tue Snoke, ils font du sexe en même temps qu'ils se battent contre les contre les gardes de Snoke. Non, mais voilà, c'est. Elle aime la calligraphie. Oh, mais on n'a pas parlé, mais quel con! La calligraphie. Ils sont frôlés les mains, déjà. La calligraphie aussi, c'est, comme je disais, c'est important parce que dans le roman Lien du sang, il y a moi, c'était une connerie que j'ai dit, en fait. Hein. Ah, ouais. Non, quand on dit, voilà, est-ce qu'il est méchant ou anti-héros? Donc, dans le roman Lien du sang, donc qui est centré sur Leia, il y a un moment, un attentat au Sénat de Ostian Prime. Oui, c'est celui que j'attendais. Ouais, Leia est prévenue. Comment elle est prévenue? Sur une serviette ou une... Enfin bref. Si, c'est une serviette de table. Sur une serviette de table, il y a écrit « Run ». Enfin, « Cours ». Cours. Et elle trouve ça très étrange parce que... Personne n'écrit. Personne n'écrit et il y a quelqu'un qui la prévient en écrivant. Enfin, il y a un truc écrit sur son truc, donc elle sait pas qui lui a envoyé, mais elle se rend compte que personne n'aurait fait ça si c'était pas vraiment important. Elle fait sortir tout le monde et il y a une bombe qui explose. La grande théorie, et je vais vous expliquer pourquoi après, c'est que c'est Kylo qui a écrit ça. C'est pas si con que ça, parce que qui a eu l'idée de cette séquence-là dans le livre? Ce n'est pas Claudia Gray qui est l'auteur, mais Rian Johnson, qui est aussi le mec qui a mis dans son film un set de calligraphie sur le bureau de Ben. Mais à quel moment il a eu l'idée de faire ça? Enfin, quand, je veux dire, il a causé avec Claudia, comment ça marche? Ouais, il lui a donné quelques indications et elle a révélé que cette scène-là, c'était une idée de Rian Johnson qui lui avait demandé de la mettre dans son livre. Oh. Mais est-ce qu'elle confirme que c'est effectivement Ben qui l'a prévenu? Non, c'est pas confirmé. Ouais. Il garde le mystère. Mais ça colle bien. Hein. Mais ça colle très très bien. Ce serait beau. Et ça vient aussi avec le fait qu'il est incapable de tuer sa mère. Il l'a peut-être même sauvé quelques années plus tôt. C'est le seul nerd qui sait écrire, alors. Faut savoir qu'à ce moment-là de leur vie, Leia n'a aucune idée de où sont Ben et Luke, et du coup, moi, je pense que Ben est déjà passé du côté obscur à ce moment-là. Et Luke, il est pas encore allé lui dire « Oups, y a un problème avec ton fils. » Non, mais j'imagine bien Leia, juste après que tout le monde soit barré et que tout le monde ait bien survécu, lui envoie un SMS, « Thank you, nerd. » C'est merveilleux. Je veux que ce soit canon. J'imagine bien Luke avoir les jetons de dire à sa sœur qu'il a paumé son gamin. Bah surtout qu'il n'a pas dû lui dire qu'il avait essayé de le buter. Je pense qu'il essaye de lui dire. Et au fait, ton fils là, mon neveu. Parce que Leia, elle est persuadée que c'est le Snoke. Comment dire, je sais pas trop où il est. Oups. Bah en fait, c'est pour ça qu'il est parti sur Actu, c'est parce qu'il voulait pas dire à Leia. Ah oui, clairement, parce que pour moi, il essaye de dire que bah il y a pas que Snoke qui a aidé Kylo à passer du côté obscur, c'est parce que lui, il a essayé de le buter. Il essaye de lui dire ça quand il la voit dans The Last Jedi, et elle lui dit « Je sais. J'ai pas besoin que tu me dises ce qui s'est passé. De toute façon, s'il y avait pas Snoke, il y aurait probablement pas eu tout ce bordel. Et puis, ce qui est important, c'est... » Je savais qu'il allait se faire niquer sa race, de toute façon. Non, mais je vois bien en train de s'expliquer. « Ah ouais, non, vous êtes parti pour essayer de trouver le premier temple Jedi. Ouais, c'est ça, ouais. » Pas d'autre raison. Par contre, j'ai perdu Kylo en route. Oups. J'étais dans un magasin et j'étais plus là. Bon, on revient sur Rey. Parce qu'on a... Sur Rey, non, justement. Enfin, si, oui. Si, la connexion, aussi, parce qu'on... Lui aussi, revient sur Rey, parce que c'est ce qu'il préfère. Enfin, il croit qu'il peut se mettre par-dessus, mais en fait... Et d'ailleurs, t'as eu les résultats de ton vote sur Twitter, Matt? Sur c'est qui les top et les bottom. Oui, clairement, c'est clairement Rey le top. Hein. Bien sûr. Ah. Ouais. Et Ben le switch. Et Ben le bottom. Plus le bottom quand même. Hein, oui, complètement, switch, mais ça dépend de sa relation. Ça dépend avec qui il est. Ça dépend avec qui. Et du coup, donc après son cette énorme suite de win pour lui, il se retrouve bourré d'adrénaline face au trône de Snoke, et puis là il a l'idée du siècle, hein, parce que c'est un sale trou du cul de Skywalker. Je vais couper le bras. Il se coupe le bras lui-même. Ça manquait dans ce film, des gens coupés. Et non, bah voilà, il dit rejoins le côté obscur, on a des cookies. T'as d'abord Rey qui lui fait bon, et maintenant allez, viens, on peut mettre on la est bien. On peut mettre la fin à tout ça, plus personne ne meurt, viens aide-moi. Et puis le gars il est en mode ouais, non, si on était plutôt les maîtres de la galaxie, c'est trop cool. Et là, comme tu disais, hein, Xenut, le truc, c'est que cette fois-ci, le Skywalker, il est en face de quelqu'un de qui va pas se laisser marcher dessus. Ouais, c'est clair. Hein, pas comme Padmé qui reste là les bras ballants. T'as tué des enfants. Rien faire. Bon, c'est pas trop grave. C'était des animaux, après tout. Elle lui dit, arrête ton bullshit. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Puisque tu fais des conneries, moi je reprends le sabre, hein. Et du coup, voilà. Pour une fois que tout allait bien, il recommence à essayer de se comporter comme un vrai méchant. Le pire, c'est qu'en plus, il est ultra honnête dans son truc, hein. Le mec, il chiale, il veut vraiment qu'elle vienne avec lui. Il est à ça de comprendre. Et vraiment, à ça de comprendre. Le mec, il veut même pas en plus tuer des gens ni rien. Il dit juste, on laisse tomber tout le monde, tous les vieux cons, là, et puis on devient juste les maîtres et maîtresses de la galaxie, trop cool. Et puis t'as Rey en face, genre, mais tu veux faire quoi? En vrai, il veut pécho, hein. Oui, mais tous les deux. Mais c'est là où Rey, elle se met à pleurer, genre, ah, putain, je pensais que j'allais Ken. Tu fais chier. Ah non, j'ai pas envie de Ken avec peau, enfin. Putain, tu fais chier, Ben. Je pensais qu'on y était. Ah non, c'est vrai, elle sait plus qui c'est, peau. Elle l'oublie toutes les 10 minutes. Elle oublie ses canons, ça. C'est merveilleux, ça. Et du coup, elle essaye de récupérer le sabre laser. Genre. Et, du coup, t'es pas digne de porter ça dans ta main. Et contrairement à... Au premier film, hein, cette fois-ci, le sabre reste parfaitement entre les deux. Oui, parce qu'ils sont à force égale. Parce que, comme j'ai dit, hein, il y a ça de comprendre. Et la force, elle s'en rend compte. Elle dit, ouais, allez, t'y es presque. C'est bien. La force, elle est en PLS. Genre, punaise, vous étiez en train de vous toucher les cuisses, là. Pourquoi il faut que l'autre, il parte sur ses trucs de trône? La force en a marre, elle. C'est clair. Et d'ailleurs, peut-être petit spoiler, je ne sais pas, dans les comics qui sont sortis ou en train de sortir, Rey, après The Last Jedi, elle galère complètement à utiliser la force, et il y a des gens qui pensent que Kylo aussi, et que c'est pour ça que, je sais plus ce qu'il fait, il s'isole un peu, mais Rey, en tout cas, elle arrive plus à utiliser la force correctement, elle se fait sauver par Rose, parce qu'à un moment, elle va se battre contre une bestiole parce qu'elle a les boules, quoi, elle a pas Ken, elle est enragée. Et puis, elle se rend compte que, ah ouais, non, en fait, juste au sabre laser contre une grosse bestiole, ça marche pas trop, et j'arrive pas trop à la contrôler avec la force. Et du coup, on pense pour montrer que, la force, elle leur a dit, non, mais vous êtes sérieux, en fait, vous étiez censés être ensemble, vous partez chacun de votre côté, je prends les pouvoirs, là, hop, c'est fini. Confisqué. C'est ça. Et du coup, lui, donc, pendant ce temps-là, après ça, il retombe dans ses travers, il fait une pratique sexuelle à Snoke, Snoke. Snoke. À Hux, que je ne citerai pas, mais qui implique de se faire étrangler. Bizarrement, Hux, il prend le pouvoir. Pas comme Krennic, de se faire étrangler. Ouais, Krennic, lui, il aimait bien ça, Hux, c'est moi, hein. Et du coup, il prend le pouvoir, hein, veut dire, tant qu'à faire, il va le prendre tout seul. Je parle bien du pouvoir et pas de Hux. Et là, c'est vraiment le moment dans les films où, il est vraiment le méchant, l'antagoniste du truc. Parce que voilà, hein, on lui a piqué, sa meuf, elle est pas restée, elle lui a piqué son sabre, il y en a trop marre. Il en a gros. Et sauf que il arrive sur Krayt et qu'est-ce qui arrive? Tonton. Oh, c'est tonton Luc. Et là, il y a vraiment un moment. Hein. Je veux dire, le moment où flashback. Il le fait, il fait tout tirer sur sur Luc. Il est en à un niveau de tension que tu l'as jamais vu dans un état de détresse pareil. Et pourtant, il a tué son père. Et c'est la frustration sexuelle, ça, c'est normal. Mais il a que des... Il a pas Ken en même temps. Ah, mais il arrive sur Krayt, il y a le faucon qui détruit tout le monde, ce genre, oh punaise, super, papa qui revient. Ou en tout cas, ce qui lui rappelle son père. Et ensuite... Oh non, j'ai des flashbacks. Ouais, c'est ouais. Ça. Et après, t'as son némésis à ce moment-là, c'est-à-dire le gars qui a ruiné sa vie. C'est le gars qui a essayé de le tuer dans son sommeil, qui a fait que tout le monde a essayé de le buter par la suite et qu'il a dû se réfugier chez un abuseur. Et le mec se pointe en mode tranquille, je me promène sur le sel, qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah, clairement, c'est la faute de Luc, hein, tout ça. Hein, enfin, à ce moment-là, pour lui, en tout cas, c'est clairement la faute de Luc, tout ça, quoi. Oui. T'as la représentation, hein, avec le sol rouge et le sel, hein, c'est le sel dans la plaie, hein. Ouais. Mais qu'est-ce que ça fait? Ben ça participe aussi à l'aider à guérir. Hein. C'est le seum. Le mec, il est en total PTSD, hein, face ouais. à Luc. Tu le vois, il a la lèvre qui tremble et tout. Quand il croit que Luc est mort, il tombe sur sa chaise et il laisse pousser un énorme soupir. Mais genre comme s'il était libéré, tu vois. Et après, il voit qu'il est pas là. Et Délivré, tu veux dire? Oui. On va la faire à chaque fois, celle-là. Hein. Et du coup, bah, il y va, il y a Luc, et contre le bon Hux, hein, contre la vie du bon Hux, qui est, pour une fois, était pas si con que ça. Bah oui, mais il devient complètement irrationnel, Kylo, à ce voilà. moment-là. Il est face à sa plus grande terreur. C'est un des moments les plus drôles du film, je crois. Moi, j'adore la gueule du mec qui voit Hux se faire balancer. Ah ouais, ok, je te fais ça tout de suite. Bah ouais, ça. Non, mais je vais faire ce que dit l'autre, hein, c'est pas grave. Mais ce moment, il est quand même paradoxal, parce que le moment d'avant, justement, pour moi, c'est... Je pense pas que... C'est un scoop pour personne, mais c'est le moment où il est le plus... dans le côté obscur du film. C'est le moment, je sais qu'il est pas Sith, mais c'est pas un seigneur Sith, mais c'est le moment où il est le plus Sith des deux films. Il a tué son maître pour prendre sa place. Enfin, c'était pas son objectif, mais disons, c'est ce qui arrive à la fin. Il l'a tué, il prend sa place, il y a un mec qui essaie de le contester, et voilà, il utilise la violence pour le remettre à sa place, et puis même, il est en confiance à ce moment-là. Il perd tout au moment où il voit Luke, mais c'est le moment, il est le plus dans l'obscurité des deux films jusqu'à présent. Donc ça fait quand même un sacré choc entre les deux scènes. Oui, c'est clair. Et du coup, voilà, il descend faire face directement à ses peurs. Et bah, ok, je continue. Bah, oui, je croyais que c'était bon. Et du coup, ce qu'on sait de Kylo, c'est que c'est un gros geek de la Force. Quand il voit, quand il a ses premières connexions avec Rey, il cherche à comprendre, il se dit « Ouais, alors ça ressemble à ça, mais c'est pas ça », etc. Et là, face à Luke, il est tellement dans un état de terreur et de rage, et enfin, il a toutes ces émotions négatives qu'il essayait de cacher derrière son masque qui reviennent et qui prennent le dessus, et du coup, il perd totalement le contrôle il réfléchit même plus. Il cherche même pas à comprendre pourquoi est-ce que son oncle, il a la même tronche que quand il l'a laissé, je sais pas combien d'années plus tard, tu vois. Pourquoi il a le sabre laser qui vient de se péter, hein. C'est ça, pourquoi il a ce sabre-là, pourquoi il réfléchit pas à ça. Tout ce qu'il pense, c'est juste faire sortir toutes ses émotions de lui. Le mec, il se demande même pas comment il a survécu aux 10 milliards de trucs, c'est-à-dire oui, que c'est ça. Ça se trouve, Luke, il est tellement balèze qu'il en serait capable en plus. C'est ça, le mec. Mais le mec, il se pose pas plus de questions que ça. Ah, ça prouve à quel point il a peur de lui. Il pense que le gars, il a survécu au tir des gros gorilles mécaniques, tu vois. C'est... Genre, ouais, ok, bon, bah, c'est Luke, il est comme ça. Mais il va quand même. Il le taunte. Il va sur le terrain. Ah, t'es là pour me dire que tu me pardonnes, hein, pour sauver mon âme. Et, sauf que Luke, il est pas là pour ça. Luke, il est là pour l'aider. Et surtout pour s'excuser, en fait. pour faire amende honorable. Il a merdé et il faut qu'il affronte son truc à bras le corps. Et qui laisse en fait aussi Kylo exprimer toute sa frustration, toute sa peine. Ouais, toute sa peine et tout, et qui se laisse. En fait, il laisse à Kylo l'occasion de se déchaîner dessus et de le tuer symboliquement sans lui donner la culpabilité du meurtre. Ouais, clairement. Hein, c'est un vrai Jedi. C'est ce que Anne a essayé de faire, mais lui, il savait pas maîtriser la force, donc il s'est fait tuer pour de vrai. Mais c'est exactement la même démarche des deux. C'est, on a fui quand t'avais besoin de nous, et maintenant on est là. C'est pour donc, ça que je comprends besoin. Pas. Je comprends pas les gens qui sont fans des personnages de la trilogie originale et qui ont peur, qui disent que ils sont gâchés pendant la nouvelle trilogie, mais qui en même temps refusent toute rédemption de Kylo Ren, parce que les gars, si il meurt à la fin en tant que méchant, ça pourrit les morts des deux autres personnages, ils sont morts pour rien. Et puis c'est super nul pour Leia, quoi, elle a perdu tout le monde. Bah oui. Bah moi personnellement, j'ai pas de problème avec la rédemption. Après le justifier, il y a plein d'autres justifications, mais la justification ce serait con pour Leia. Pour moi, c'est pas vraiment un... Ce serait pas con. Ce serait horrible au niveau du personnage et de l'histoire. Mais ça arrive, je veux dire. C'est possible. C'est horrible. Mais ce serait pas forcément... C'est pas parce que c'est horrible que ça peut pas arriver. Bah, tu peux pas clôturer une saga de 9 films sur un truc aussi dark. Enfin, je veux dire, à la fin de la trilogie originale, ça finissait sur une note d'espoir. Le grand méchant, il avait une rédemption alors qu'il y avait rien qui l'indiquait. Tu peux pas dire... Ouais, alors je vais réunir une dernière fois les personnages, mais ils vont tous crever et ça se finit super mal. Je pense pas qu'ils se dirigent vers un truc comme ça. C'est juste que voilà, c'est le côté voilà, c'est dommage. Ce serait horrible pour Leia. Ça me voilà, je me dis ça peut arriver. C'est pas forcément fait pour être juste. Ouais, ça peut arriver dans n'importe quel contexte, je pense, mais pas dans celui d'une clôture de l'histoire de Skywalker et ce genre de trucs. Qui finirait sur une note aussi. Ce serait dommage, hein. Ce serait vraiment... Du point de vue scénaristique, du point de vue message, etc., ce serait vraiment, vraiment pas bien. Tu vois, ouais. Puis, je suis d'accord sur le fait qu'il y a un certain nombre d'éléments qui suggèrent, même dans les nouveaux trucs qu'on a vus sur les nouvelles bandes annonces, qui suggèrent qu'on se dirige plutôt vers là, vers un truc de rédemption. Je suis d'accord. Je comprends que toi, c'est l'argument que tu trouves pas qui justifie. Je trouve que c'est un des moins bons arguments. Il y a plein d'autres bons arguments, je trouve, pour soutenir cette thèse-là. Tiens. Et puis au passage, on se dirige certainement vers une happy end. Hein, faut pas non plus espérer autre chose. Hein, Je vais dire franchement, je vois pas l'intérêt de la trilogie si ça finit pas en rédemption, en chamallow. Oui, aussi. Oui, non, aussi. Clairement. Hein. Je veux dire, la trilogie originale, pour toutes les réussites et tout du dernier film, la conclusion faisait conclusion. Il manquait des trucs que la nouvelle trilogie apporte, mais si la nouvelle trilogie apporte des trucs pour les retirer à la fin et qu'au final elle ait rien apporté, à part voilà, des bons films, hein, voilà, mais thématiquement ce serait pour moi une grosse erreur de pas justement avoir la fin c'était une fin heureuse mais pas totale, mais pas au maximum la fin de l'épisode 6. Là, ils ont l'occasion de vraiment faire une vraie fin. Alors, on avait les Ewoks qui faisaient des barbecues quand même, je sais pas ce qu'il faut. Hein. Là, on a moyen d'avoir vraiment une fin heureuse pour tous les personnages, et ce serait vraiment une occasion ratée pour nous. Moi, d'ailleurs, il y a un truc que je trouve intéressant dans le personnage de Kylo qu'on a abordé sans vraiment le dire dans tout depuis le début qu'on en parle, c'est que lui, pour le coup, c'est vraiment un mec qui est tout proche de l'équilibre entre le côté obscur et le côté clair. On aurait enfin Ce serait vraiment un moyen d'avoir enfin, c'est pas du tout le thème des nouveaux films, mais ce, lui pour le coup je trouve que c'est le meilleur candidat qu'on a pour l'élu qui pourrait ramener l'équilibre dans la force. Bah, Rey aussi pour le coup, parce que Rey elle est aussi dans cet équilibre, tu sens qu'elle a des appels de la, du côté obscur, mais elle y passe jamais. Bah finalement, ce sera encore mieux parce que là, on aurait vraiment un équilibre. On aurait deux personnages. Ouais. Ce serait encore plus parfait. C'est les deux en fait, c'est hein, les deux qui sont l'équilibre. En fait. C'est comme disait ouais, ouais. Ryan, c'est deux personnages qui forment un personnage entier à eux-mêmes. Mm-hmm. Et du coup, il faut que tous les deux trouvent cet équilibre ensemble. Sinon, ça marche pas. Dès qu'ils sont éloignés, ils sont déséquilibrés et les choses vont mieux quand ils sont ensemble et qu'ils fonctionnent ensemble. Et puis, de toute manière, c'est suggéré à mort dans plein de trucs qui sont en train de sortir, là, des ouais. éléments de marketing. Là, y avait un truc, là, c'était limite un yin et un yang, là, blanc et noir. Je me souviens plus exactement dans quel contexte c'était sorti, mais c'est un truc qui, c'est un thème qui est en train de revenir pas mal, là, on dirait. Alors, en même temps, c'est deux antagonistes, là, actuellement, encore, mais mine de rien, c'est le blanc et le noir, ouais, quoi. Ils sont redevenus des antagonistes. Forcément, c'est normal de jouer là-dessus. Mais on peut le voir d'une autre manière. On peut le voir d'une autre manière, oui. En fait, ils sont redevenus en position d'antagoniste, mais tu peux pas effacer le lien qu'il y a entre eux, en fait. Et c'est ça qui fait que ça va tout changer. C'est pas genre, ils se... C'est ça qui est intéressant, voilà. C'est pour ça que ça reste intéressant. C'est que maintenant, ils sont liés, et ils sont liés à vie. Et si si lui meurt, ça donnera l'impression que Rey, elle est, enfin, c'est une mauvaise fin pour Rey en fait, parce qu'elle est. Bah, son aventure à elle aussi est pointless, enfin comment dire, ils sont, enfin tout ce qu'elle a fait aussi, elle l'a fait pour rien entre guillemets quoi. Ouais, parce que le truc avec eux, c'est que ils ont chacun ce manque du. Belonging, un endroit auquel ils se sentent chez eux, un endroit auquel ils sentent qu'ils appartiennent. Et Rey, elle le cherche en se disant, ouais, c'est mes parents qui vont super. Revenir. Puis elle trouve la résistance. Et au final, elle se rend compte que la résistance, ça lui suffit pas. Et Kylo, c'est pareil. Il a été rejeté par sa famille, il a été rejeté par son école. Et la seule personne qu'il a trouvé, qu'il accepte, c'était quelqu'un qui abusait de lui. Jusqu'à ce qu'il rencontre Rey, qui l'a écouté, qui lui a parlé, et qui a accepté de le regarder sans jugement. Au début, elle était genre, oh, t'es un monstre, et puis tu vois qu'il se moque d'elle en mode, ah oui, oui, oui, t'as le même regard que dans la forêt, j'y crois pas du tout. Et puis elle accepte de l'écouter, c'est aussi la grande force de Rey, c'est que je pense qu'elle a un truc dans son passé qui fait qu'elle s'en veut, et qu'elle a quelque chose du côté obscur en elle, et du coup, elle juge pas les gens. Quand Finn lui annonce, au fait, je suis un Stormtrooper, et je t'ai menti depuis le début, elle est pas en mode, ah, oh, c'est horrible, elle est en mode, ouais, mais on est potes. Tu vois, elle porte pas jugement de valeur sur les personnes, peu importe leur background, et c'est ce que, avec Kylo, elle apprend à pousser ça encore plus loin, en mode, ouais, c'est pas parce que le mec, il a l'air monstrueux, qu'en fait, c'en est un. De monstre. Et en même temps, lui, il lui apprend, c'est pas parce que t'as été élevé dans une poubelle et que tes parents, ils t'ont abandonné, que t'es pas importante. C'est cet équilibre qu'ils ont dans leur relation qui est importante pour les deux et importante pour la force et l'équilibre de la galaxie. Bon, là, je vais retourner en arrière, parce que justement, il y a... On va peut-être conclure là-dessus avant de faire des petites hypothèses, même si on l'a déjà fait. À la fin de l'épisode 8, donc, tous les deux croient qu'ils ont, à la fin du film, qu'ils ont ce qu'ils veulent. Ouais. C'est que, voilà, comme tu dis, donc, elle a sa famille, hein, on le voit avec son câlin avec Finn, tout ça, la résistance, en fait, c'est sa famille, c'est ce qu'elle cherchait. Kylo, lui, du coup, il s'est retranché dans son truc, il cherche le pouvoir. Il a tout le pouvoir maintenant. Si je peux me permettre, elle trouve aussi une sorte de famille dans l'épisode 7 avec Solo, avec le faucon, figure paternelle, tout ça. Mais il lui est enlevé, hein. Tu vois. Ouais, mais c'est, il est enlevé très vite, mais il y avait déjà un début de ça dans le 7. Ouais. Ouais. Sauf que voilà, on suit, hein, moi ce que je pense, c'est qu'ils se rendent compte, tous les deux, que ça leur suffit pas. Rey, comme elle dit hein, dans le trailer, spoiler pour l'épisode 9, elle est quand même incomprise au sein de la résistance parce que elle a ses pouvoirs, c'est une Jedi et la seule personne qui la comprenne, c'est l'autre gars qui croit qu'il a ce qu'il veut mais qui en fait va être plus bactère que il va être dans un état pire que d'habitude hein. C'est Kylo qui lui a enfin tout le pouvoir sauf que bah il a jamais été aussi seul parce que ben elle est partie et tous les deux c'est une moitié hein, c'est pas pour rien qu'elle elle sera en blanc et lui en noir hein, dans l'épisode 9 hein, c'est ben, voilà. Ça me fait penser donc à est-ce que vous avez vu Avatar la série animée? Oui. Toujours pas. Non plus. Et ben spoiler pour Avatar. Voilà, oui. L'antagoniste des deux premières saisons, qui devient progressivement un protagoniste hein, au long de la deuxième saison, c'est le prince Zuko, hein, qui a une cicatrice sur un des côtés du visage. Sur un œil. Sur un œil. Qui, à la fin de la saison 2, on croit qu'il va rejoindre les gentils. Et à la dernière seconde, il redevient pire méchant que ce qu'on avait vu avant. Parce qu'il récupère le trône. Non, il récupère pas le trône. Hein. Mais sa quête à lui, c'est pas d'avoir le trône, c'est de parce qu'il est exilé, donc lui, sa quête à lui, c'est de retrouver de la légitimité auprès de son père, hein, qui est d'ailleurs joué par Mark Hamill. Donc c'est lui le grand méchant hein, de l'histoire. et donc à la fin de la saison 2, tu crois qu'il va avoir sa rédemption, il ne l'a pas. Début de la saison 3, il a tout ce qu'il veut, mais ça va toujours pas. Et là, on est dans un schéma totalement similaire, et ça finit par lui qui rejoint les gentils pour aller affronter un plus grand méchant, Palpatine. Donc, étonnant. Moi, voilà, y a énormément de parallèles entre les deux, et même si les gens vont dire « Oui, mais Zuko, il a pas tué les gens. » Oui, bah c'est un show pour les enfants, hein, c'est du dessin animé. c'est Vanilla, hein. Zuko c'est juste Kylo Vanilla. Hein. Mais c'est pas totalement vrai parce qu'en plus la Nation du Feu elle crame des villages et tout et il est là donc c'est exactement comme la République qui se fait péter par Hux et Kylo il a assisté à ça mais il était pas au même endroit exactement. Les gens reprochent ça à Kylo mais Zuko c'est pareil, la Nation du Feu elle crame des gens. Et d'ailleurs un truc qui est très intéressant sur la fin de l'arc de Kylo. De Zuko, pardon. Zuko qui est d'ailleurs était shippé hein, avec Katara qui est la deuxième héroïne de la série. Comment ça finit son arc? Il se sacrifie parce que Katara va se faire tuer et donc il se met entre Katara et le feu qui vient vers elle. Et se le prend lui à la place. Et il ne meurt pas d'ailleurs. Et il me semble d'ailleurs qu'elle le soigne ensuite. Ce qui est très intéressant parce que on en parlera par rapport à Rey. Et du coup, moi, je pense qu'on se dirige vers quelque chose comme ça parce que comment il peut vraiment faire sa rédemption, c'est en se sacrifiant. Sauf que s'il se sacrifie et qu'il meurt, ça fera juste comme Vador. Donc je pense qu'il faut qu'il survive ensuite après. Ouais. Ensuite après, tu vois, les deux, ensuite et après. Et puis en plus t'as la mort de le sacrifice de Han et le sacrifice de Luke qui pavent le chemin pour ça, pour Ben, pour qu'il apprenne à justement se sacrifier pour quelqu'un d'autre et vivre pour quelqu'un d'autre. Ouais. Avec quelqu'un. Mais du coup, comme vous avez pas vu, c'est beaucoup moins chiant. Ah ouais, c'est non, beaucoup plus chiant. Hein. Quand vous voyez la série et que vous comparez à Kylo, il y a tellement de parallèles, c'est incroyable. Mais allez voir la série, c'est super cool. Ouais, elle est bien en plus, elle est très très très, très bien. Mais, voilà. Ouais, mais vous savez ce qui se passe, il y a tellement de trucs sur les gens qui disent « Ah, regarde cette série !» et les gens disent... enfin là, voilà, se faire conseiller les séries, est-ce que les gens vont vraiment les voir après? Ouais, je vais essayer. Oui, c'est nous, là. On conseille pas des séries de merde. Regarde Discovery, c'était cool ou pas? C'était très cool. Ah, moi, j'ai toujours pas regardé non plus. Cool. Vivement la suite, je suis orphelin. Mais grave, hein. Non, vraiment, je recommande rarement les trucs. J'avais même pas recommandé The Last Jedi à plein de gens parce que je savais pas si les gens ils aimeraient. Non, allez voir la série Avatar. Il y a plein de messages, les personnages sont intéressants, c'est cool. C'est très très cool. Mm-hmm. C'est Star Wars, mais encore plus accessible pour ceux qui comprennent pas Star Wars. C'est ça. Voilà, moi c'est ce que je pense qui va se passer dans la suite. Toi, Xemnu, qu'est-ce que tu penses qui va se passer qu'est-ce que tu espères aussi? Est-ce qu'il y a des choses? T'as dit que t'avais pas d'attente particulière, mais t'as bien une petite idée peut-être de quelque chose que tu penses qui va se passer? Bah déjà, bah moi je suis pas très très bon pour les prédictions, les hypothèses, tout ça. Et c'est vrai que j'essaie d'aller voir les films en n'ayant pas trop d'attente pour voilà essayer d'être le plus ouvert possible. Voilà, honnêtement, voilà, comme je disais, même un truc tout le monde crève à la fin, si c'est bien fait, voilà, ça, c'est pas un truc que je suis en train d'espérer. Honnêtement, je suis plutôt voilà, je sais pas si c'est à force d'avoir écouté. On est plutôt dans un cercle de gens qui sont pour la Ben Damsion, pour le retour de Ben, donc je sais pas si c'est le fait d'être vraiment dans ce cercle-là qui m'a influencé, mais c'est ce que j'espère. Jusque-là, Lucasfilm et tout était plutôt efficace pour nous proposer des trucs qui surprennent. Donc, si c'est le truc qui... S'ils avaient finalement opté pour un scénario où il n'y a pas de rédemption pour Kylo, je leur fais confiance sur le fait qu'ils l'écriraient bien. Donc, voilà. Mais là, je parle vraiment du point de vue hypothétique. Je pense pas que c'est ça qui va se passer. Non, c'est principalement ça, mais les pensées que j'ai eues, les hypothèses que j'ai eues pour ce qui se passerait dans la suite, et j'ai essayé j'ai pas poussé la recherche plus loin que ça, jusqu'à présent. Ok. Et toi, Matt, alors qu'est-ce que tu penses qui peut se passer, ou quels sont tes attentes peut-être par rapport à la fin de son arc? Moi, je viens de revenir des toilettes. Donc non, mais je pense que... Enfin, moi, j'espère une rédemption, déjà, simplement. Mais pas une rédemption en mode... je fais un truc bien, mais je meurs quand même après. Parce que t'as souvent ce truc-là dans les films américains du méchant qui se rachète, mais qui peut pas échapper à sa peine de mort quand même, parce que c'est comme ça, hein, il a tué des gens, c'est pas bien. J'espère qu'ils vont savoir aller au-delà et vraiment proposer une vraie rédemption au personnage et c'est surtout ce que j'attends principalement, hein. Après le reste je suis de moins qu'à être surpris, mais j'aimerais au moins ça perso. Mm-hmm. Bah, en plus on va faire un tout petit peu plus on va encore parler un petit peu de ça, mais un des soucis en fait de la trilogie originale qui cause la post-logie, c'est justement que Dark Vador est mort. Mmh. Et qu'il a jamais pu être témoin de... être là pour raconter l'histoire, ni témoin, ni en plus, parce que même s'il y a une rédemption de Kylo, tout n'est pas oublié pour autant. Il va falloir peut-être qu'il fasse face à ses actes, ce genre de choses. Enfin, je veux dire... Vador, à peine il a réalisé un peu peut-être qu'il avait fait de la merde, qu'il meurt. Donc il a pas le temps d'être mis face aux conséquences de ses actes réellement. C'est vite expédié. Alors je pense pas que le film s'attardera non plus très longtemps après la rédemption de Ben. Je pense que ça arrivera vraiment vers la fin. Mais au moins s'il reste en vie, il a le temps dans l'univers étendu d'être mis face aux conséquences de ses actions. Ouais. Ce qui est aussi intéressant, voilà, finalement, que le fait justement d'avoir une rédemption, quoi. C'est que, qu'est-ce qui se passe quand t'as fait de la merde et que tu dois après vivre avec, quoi. Ouais, en plus, il y a moyen de, du coup, faire un truc aussi qui est... Alors là, pour le coup, c'est purement dans notre monde, hein, mais un truc aussi qui fait que ce serait con de le faire mourir comme ça, c'est que il fait vendre de ouf, hein. Il y a avant qu'il passe en privé, Pablo Hidalgo, il avait montré des chiffres en termes de recherche et tout, Et Kylo, il est actuellement plus populaire que Dark Vador. C'est impressionnant. Parce que ça, c'est... moi, c'est j'aurais jamais pensé ça, et pourtant, pareil, j'adore le personnage. Mmh. Hein. Mais maintenant, là, à l'heure actuelle, pour l'instant, voilà, il est plus populaire que Dark Vador. Mmh. C'est fou, ça, quand même. C'est... Donc, après, il y a quand même un... Il doit y avoir un effet nouveauté. Oui, non, mais c'est clair. Mais c'est dur de garder la hype sur 30 ans avec un même personnage. Bah, et encore, t'as vu Rogue One? Donc, qu'est-ce que tu veux dire? C'est. Bah, Vador dans Rogue One, les gens, ils étaient à fond. Hein. Bah ouais. Ouais, mais c'était quand même pas la même chose. Enfin, je veux dire, les gens étaient contents de le revoir, mais c'était pas le même choc que de découvrir un nouveau personnage comme Kylo. Sans parler de nouveauté, c'est simplement aussi que c'est générationnel, quoi. Je veux dire. Oui. Ouais, bah, c'est fait pour ça. Hein. On s'appelle pas Faucon Millenial pour rien non plus. Enfin, même si nous, on a connu, même si nous, on a connu, voilà, vraiment l'autre trilogie et la prélogie. Pour moi, clairement, en ayant, entre guillemets, parce que j'étais pas là pour l'épisode 7, mais en ayant, entre guillemets, rebooté avec l'épisode 7, j'ai bien entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas dans un reboot classique, c'est vraiment assez particulier, clairement, pour moi, la postologie s'adresse avant tout à une autre génération de futurs fans, enfin, fans maintenant, mais à l'origine de futurs fans de Star Wars, quoi. Ils cherchaient vraiment un vrai appel d'air de ce côté-là. Et Kylo, pour certains, même pour des ados qui ont grandi en voyant les deux premiers films, bientôt le troisième, il a au moins autant d'importance que Vador, clairement, oui. Mmh. Clairement. Et du coup, ouais, si, je veux dire, là, il y a moyen de faire des tonnes de bouquins et de comics et tout sur lui après, qui survit, quoi, qui doit... qui va faire face à toutes ces conneries. Qui fondent une famille avec Rey, et il est des bébés. Alors j'espère qu'ils ne feront pas une trilogie sur les enfants de Rey, parce que bon... Mais bon. Non, visiblement, ils ont dit que ça suffit avec la famille Skywalker maintenant. Ouais. Qui seront des jumeaux, hein, qui s'appelleront Jason et Jaina. Et qui se battront contre des aliens masochistes. Oui. On a vraiment hâte de voir ça. Ça sera trop bien. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne question de savoir est-ce que le personnage va survivre à la suite des films. Est-ce qu'ils vont arriver à continuer à susciter l'intérêt? Ça, c'est une question intéressante. Ben, moi, pour les gens qui l'aiment déjà, il n'y a pas de problème. Mais pour les autres. C'est ça. Ça dépend ce qui se passe dans le 9 et comment c'est reçu, j'imagine. Bah, ouais. On sait déjà que s'il a une rédemption, de toute façon, ça va être très controversé. Hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent le tuer. Oui, bizarrement, mais, c'est les gens qui sont bien intentionnés. Hein. C'est il a été méchant, donc il faut le tuer. C'est un personnage. Ouais, c'est... c'est une logique. Hein. C'est pas la mienne, mais clairement, c'est. Il y a des gens qui dans le vrai monde sont plus tristes de la mort de Luke que de Carrie Fisher, par exemple. Hein. Il y a des gens comme ça qui. Dire moi, des fois, je sais que je suis trop attaché à certains trucs fictionnels, mais il y en a qui poussent vraiment le truc trop loin. Faut arriver à se détacher. Mais moi, c'est clairement la logique des mecs qui se disent il a fait des actes horribles, donc faut le tuer. C'est les mêmes qui sont pour la peine de mort, quoi. C'est il a tué des gens, on va le tuer. Bon, ok, enfin. Dans ce cas-là, faut tuer tout le monde dans Star Wars parce qu'ils ont tous tué des gens. Voilà, hein, à ce compte-là, Poe est pareil, hein. Mais pire paume. Il faudra vraiment qu'on en reparle aussi, mais vous suivez pas autant les trucs sur la mythologie et le reverse amygdala. Ça a beaucoup plus de sens, la postlogie, quand tu le pends sous le voyage du héros de Campbell et le voyage de l'héroïne de... Murdoch ? Malheur ? Quoi ? Murdoch. Ah oui. Et avec toute la... Tu parlais de reboot, Matt. En fait, ça a beaucoup plus de sens. Je pense que tu comprendras beaucoup mieux ce qui te fait penser à un reboot, etc., quand tu auras vu ces théories, etc., parce que le reverse amygdala, c'est juste que ça te raconte que Star Wars, c'est juste une seule histoire, et que Kylo et Rey, ils doivent rétablir la relation que Padmé et Anakin avaient et ont brisée, et que justement, ils doivent accomplir ce que les deux n'ont pas pu accomplir pour que l'équilibre soit rétabli, etc. Il faut qu'ils se pécho, alors. Oui, complètement, il faut qu'ils baisent. c'est très beau quand tu vois tous ces trucs par rapport à ça, parce qu'il y a tout qui va dans ce sens, et en plus, t'as le côté... Merde, on parlait de baiser et ça m'a fait penser à un truc et je me souviens. Merde, je me suis perdue dans mon truc. Qu'est-ce que je trouvais joli? Je sais plus. Ah oui, le côté ce que dit Kylo dans l'épisode 7, je vais finir ce que tu as commencé. Eh ben, il va finir ce qu'a commencé Anakin, dans le sens, il va fonder la famille qu'il aurait dû avoir et vivre avec son amoureuse. C'est beau ce que tu dis. Ok. Ouais. Alors, Tuki, qu'est-ce que tu espères dans le 9? Voilà, tous les trucs que tu viens de dire. Des bisous! Qui baise. Du rélo. Des trucs beaux, des trucs qui font pleurer. Mais de joie, pas de... Oui, voilà, des trucs... Ah, de... Oh, des pectoraux de la taille de la porte-avions. D'ailleurs, tombe le pantalon, Kylo, maintenant. Et d'ailleurs, j'y ai repensé l'autre fois, j'ai complètement oublié de dire, quand on parlait de l'épisode 6, que moi, quand j'avais revu la trilogie... Si tu l'as dit. Non, je l'ai dit dans l'épisode sur le 7. Non, ouais. Je crois que j'en ai discuté, mais pas directement dans le truc. Mais en fait, quand j'ai revu l'épisode 6, quand j'étais ado, après avoir découvert la trilogie... Parce que je connaissais que la trilogie originale, j'ai découvert la prélogie, et je me suis dit, bon, je vais re-regarder la trilogie originale, et ben, j'ai pleuré à la fin quand Vador meurt, parce que j'étais super malheureuse que lui et Padmé aient jamais pu se retrouver. Et du coup, avec la post-logie et tout ce truc du Reverse Mandela qu'on explorera et que plein de podcasts explorent, c'est super beau, parce que moi, ce qui m'avait laissé triste de la trilogie, et ben, ça peut être réparé dans cette post-logie. Du coup, c'est... Mon petit cœur, il est tout fondu. Qu'attends-tu du 9? Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Du coup, salut. Bah oui, non, moi, j'ai déjà dit ce que j'attendais. Hein. Je l'ai dit avant. Bah, globalement, on veut une Ben Demption. Hein. On veut tous la même chose. Ouais, on va tous être déçus. Non, je déconne. Non, ça n'a pas l'air, hein, honnêtement. Oh mon Dieu, le trailer... Ouais, encore une fois, les mecs, ils arrivent même pas à le présenter comme un méchant, genre dans le trailer, c'est chaud, quoi. Mais en tout cas, pour les auditeurs, quoi que vous attendez, voilà, respirez avant d'aller voir le film, restez calme, voilà. C'est ce qu'on va faire nous aussi. Hein, on va tous prendre la Valium, on va être bien. C'est ça. Moi, je vais probablement chialer pendant tout le film. Mais... prenez un Valium et que la force soit avec vous. Salut les précis. Ah, mais si tu dis une marque, on doit dire trois autres marques. Prenez une tisane Lipton Iced Tea. Ah, très bien. Voilà. Un Xanax. Voilà. Et que la force soit avec vous. Et que... Attends. C'est la vraie fin? Oui, oui, je vais garder ça. Mais que si les vous lubrifiants voulez, du Rex... en joie. T'avais quelque chose à rajouter? Ah oui, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc sur Twitter @FauconPod, sur Facebook Faucon Millennial, sur YouTube la chaîne Faucon Millennial, je sais plus, est-ce qu'on est revenu sur iTunes, mon petit bébé? On est revenu sur iTunes et on a récupéré les commentaires et les notes, mais c'est pas une raison pour ne pas en mettre, donc spammez-nous voilà, de bonnes notes. Allez, vas-y. Et même qu'on est sur Twitch, allez voir un petit peu Ximnut parce qu'il s'ennuie. Oui. Ouais. Ximnut, il fait plein de petits lives Twitch sur les jeux Star Wars. Et voilà. Ximnut, c'est un nounours très agréable à écouter. Il est très drôle. Oh, c'est gentil. Et donc, et puis voilà, si vous voulez parler des épisodes et tout, hein, c'est l'objectif, c'est de en discuter plus, ouais. Aussi. Du coup, allez voir Ximnut sur Twitch, que la force soit avec vous. Salut. Bisous, fais face des fesses. Didn't hesitate. And look at you. The deed split your spirit to the bone. You were unbalanced. Bested by a girl who had never held a lightsaber, you failed!